Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, ah bonjour. Bon, bah, quoi hein? Bon bah arrête. Bah j'arrête, écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis avec un Adrien Méniel tout malade. Oh. Un peu malade, ouais. Oh. Mais j'ai fait l'effort de venir. Et ça, ça fait plaisir. Encore hier soir, on n'était pas sûr. Hier encore. Ce matin encore. Ce matin encore, dire. Ouais. Je me suis levé vraiment une heure avant l'heure du. Il m'a dit, ouais, je suis désolé, là si je pars maintenant, j'arrive à 10h30. Je fais, mais c'est à 10h30. Du coup, bah parfait. Pile dans les temps. Et je suis arrivé quand même 30 minutes en retard. On est arrivé à 11h. Notre première invitée est comédienne. Elle a commencé toute jeune et on l'a vu dans des projets aussi différents que l'adaptation de la BD Seule au cinéma, la série Braqueur sur Netflix ou encore le film Revoir Paris d'Alice Winocourt, parmi plein d'autres, bien sûr. Elle interprète Lila dans le film Vermine de Sébastien Vanitschek. Logique de tourner avec des vraies araignées vivantes, vu qu'elle est arachnophobe, on en reparlera. C'est Sophia Le Saffre. Bonsoir. Ça va, Sophia? Ça va, merci, très content d'être là. Et on est ravis. T'as dit Léla? Lila, j'ai dit. Ah ouais, Lila, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, le gars a coécrit le film, il est fou, complètement taré, quoi. Notre deuxième invité termine une tournée où il a pu sillonner toute la France, ce gros sillonneur qu'il est. Il ne lui reste que 4 dates à Paris au Trianon, c'est maintenant ou jamais, après ses rideaux du 3 au 6 janvier 2024. Mais il vient surtout car il joue Matisse dans le film Vermine de Sébastien Vanitschek. Petit poème pour l'occasion, je vous propose. Son spectacle va bientôt être à l'arrêt, Niel. Jérôme va donc affronter des arrêts, Niel. C'est oui. Jérôme Niel, ouais. C'est un haïku, je crois. Oh, t'es Nekfeu, juste. T'es juste Nekfeu. J'ai enlevé mes deux albums. Notre troisième invité. Oui, on est nombreux aujourd'hui. Notre troisième invité est réalisateur et scénariste. J'ai eu le privilège d'écrire à ses côtés le scénario de son premier long métrage. Vous vous demandez bien duquel je parle. Et bah, c'est bien sûr Vermine, enfin. C'est au cinéma le 27 décembre. C'est le film parfait à voir avec les gosses en salle pour Noël. C'est Sébastien Vanitschek. Bonsoir, merci. Bienvenue Sébastien. Très heureux d'être là. Ça fait plaisir. Vous venez, oui, alors voilà, on va en parler très vite fait, on en reparlera pendant l'émission bien sûr, pour Vermine, film d'horreur que tu as vu Adrien hier. Je l'ai vu hier dans très bonnes conditions. Merci, t'as mis un bon casque. Parce qu'on a. Ouais, grave. Allez. Non, j'ai une sublime barre de son chez moi, j'étais très bien, t'inquiète pas. Mais oui, parce que c'était un peu le running gag qu'on t'avait invité à aucune avant-première, et au final, quel meilleur cadeau on pouvait te faire que te donner un petit lien chez toi au show. C'était mieux que tout au final. Bah non, mais totalement j'étais, été invité. J'étais à malade, je pouvais pas aller à l'avant-première à laquelle vous m'aviez invité. C'est vrai. Il fallait m'inviter avant, c'est de votre faute. Car tu es malade depuis 6 ans maintenant. Voilà, ouais, apparemment. On entame la 6ème année de cette maladie. Il a analysé mon sang, il a dit, mais ça fait 6 ans que vous êtes malade. Ouais. Exact. Donc oui, on va quand même faire un floodcast comme d'habitude. Alors, on en a parlé il y a deux émissions, Le mariage du siècle. Alors, ah ouais, bah oui, bien sûr, on va voir avec les autres. C'est un couple qui a célébré son l'amour au final pour 54 millions d'euros. On en a parlé. Oui, des grosses merdes. On a ragé sur eux pendant tout un épisode. Mais... petit twist récemment, qu'est-il arrivé? Ils ont privatisé l'Opéra Garnier pendant 15 minutes. En fait, ils ont pendant 15 minutes. Ouais. Bah, ça, mais ils ont fait plusieurs points comme ça dans Paris, dont l'Opéra Garnier, mais ça leur a coûté 54 millions. Ils ont invité le chanteur de Maroon 5. Mais du coup, c'était le pire. Ou honte à Paris d'avoir vraiment accepté de louer un truc. Bah, les JO qui arrivent à un moment, faut prendre absolument tout. Et surtout. Avoir autant d'argent et louer le chanteur de Maroon 5. Vraiment, avec tout cet argent, honte. Ils ont divorcé. Alors, ils n'ont pas divorcé. Ah, c'est quoi? Donc, il y a un twist. Il y a un twist, c'est un twist qu'on a appris, mais oui, genre la semaine dernière. Qui m'a régalé. Qui était un plaisir. C'était faux, c'était un faux mariage. Ah non, c'était un vrai mariage. C'était un vrai mariage. Ah oui, pardon, c'est le jeu déjà là. Ah, mais on est c'est parti très vite. Pardon, hein, moi j'ai cru qu'il allait. Parce que t'as pas dit, on va faire le jeu du flot. C'est vrai, j'ai une petite phrase, une petite. On arrive à la fin de l'année, moi je conduis sans ceinture. T'es une araignée ou quoi? Oh, mais attends. Regarde, je suis au plafond. Donc ils sont encore ensemble? Ils sont encore mariés? Alors on sait pas trop parce que il s'est passé un truc. Oui, bah c'était. Ah, il y a eu tromperie, il y a eu infidélité. Pas infidélité. Un peu plus violent. Il y a eu bagarre. Alors on s'approche, mais il n'y a pas eu bagarre. Pas entre eux. C'est pas un truc entre eux. On n'est pas sur des... La belle famille? Pas la belle famille. Le frère? Le frère de sa femme. Attends, ça s'approche de la bagarre. Ça s'approche de la bagarre. Alors c'est pas entre eux, c'est vraiment. Je peux même vous le dire. Ah, mais c'est en fait, le il y a une manifestation dans. Ah, non, pas ah mais il a un passif. Alors il a. Bah maintenant, oui. Maintenant il en a un. Oui, c'est un truc qu'il a fait après le mariage. Bon, il s'est tapé en boîte de nuit, j'en sais rien. Plus... Il a fait... Cluse, il a GTA fait 6. Du catch pour gagner de l'argent. Ah, il a tué, il a tué. Ah, bah, il a molesté quelqu'un. Il est en prison, il est tombé sur quelqu'un. Alors, vous y êtes presque. Il n'a pas tué. Mais il risque la tôle. Bah, il y a un rapport avec Maroon 5. Il a défoncé le chanteur de Maroon 5. Pour moi, c'est lié. Pour moi, c'est lié. Quelques mois. Oh, Maroon 5 va essayer de pécho sa meuf. Non, ah. J'aime bien que ce soit le chanteur de Maroon 5. Le groupe entier a tenté. Ah oui, c'est vrai, mais. Je pensais qu'au chanteur. En fait, ils sont allés voir le gars. Alors, c'était avant le mariage, en fait. Ils l'ont interpellé après, mais oui, c'était le 14 mars dernier. La police a été appelée dans une maison de Westworth Village au Texas, ce qui est encore plus fou. C'est-à-dire que le mec. Il a fait une connerie, il dit bon, je vais quand même faire le mariage à 54 millions. Ouais, mais il avait la pression du mariage, ça lui a fait péter. Les trois agents se sont retrouvés avec un homme qui n'est autre que Jacob Lagrone, c'est l'époux. Ce dernier s'est alors opposé à eux avec une arme à feu à la main. Il a ensuite été interpellé et libéré après avoir versé une caution de 20 000 $, l'équivalent de 18 000 €. Selon le New York Times, il est accusé d'avoir intentionnellement ou sciemment menacé de blessures corporelles imminentes ou utilisé ou montré une arme à feu lors de l'agression. Donc il risque 25 ans d'emprisonnement. Et oui. Dur quand même. Attends, on est d'accord, il s'est battu avec des keufs, c'est ça? Oui, c'est ça, il s'est battu et après il a sorti un flingue en disant je vais vous tuer la police. Ce qui n'a pas été apprécié par les condés. Et après, attends, ce que j'ai pas compris. Vermine, c'est... Hein, je suis un peu street. Hein, ce que j'ai pas compris, c'est du coup après les flics ils ont fait oh, pas sympa, ils sont partis, il est allé se marier et ouais. Il est revenu, ils ont dit ça, on vous arrête maintenant. Non, en fait, il a payé la caution sur le moment, mais après. Ah, mais oui, la caution. De 20 000 balles, hein, pour caution, alors. Pas non plus, pour lui, c'était rien du tout, quoi. 20 000 balles, bah, c'est oui, c'est ça. Non, mais attends, c'était dans le budget du mariage. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais sur l'Opéra Garnier, on n'en est plus en France, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est un américain. En fait, c'est un américain, mais il s'est marié en France. Ok. Parce que ville de l'amour et de Ratatouille. Un beauf. Évidemment un beauf. Bien sûr. J'espère qu'il croupira en prison. Ne serait-ce que pour le mariage. C'est-à-dire que quoi non, qu'il ait fait. Non, ne serait-ce que pour Maroon 5. Quel animal a enfin été capturé au Canada après 4 jours de cavale? Une araignée ou quoi? Non. Ça aurait été une référence. Non, mais ça aurait été pile dedans. Où il a agressé lui aussi. J'aurais l'impression de faire partie de un arachnide. Où il a agressé lui aussi un keuf. Bah je sais. Un raccoon. Un raccoon. Un animal en cavale. Un chihuahua. Pas un chihuahua, mais un animal en cavale. Après, t'inquiète pas, tu seras pas tombé dessus. Mammifère. Oui, raccoon fight, bien sûr. Oui. Non, mais attendez, j'adore. Je me permets de faire une parenthèse. Merci à la personne qui m'a envoyé la news, donc je ne peux pas jouer du coup. Merci. Merde. Une fois, hein. T'inquiète, toujours une très bonne idée. Tu les as pas. De type mammifère. Arthropode. Bah enfin, j'en ai aucune idée. Mammifère. Vous dites des mots. Vous dites des mots. Mammifère. C'est un mammifère. Un jour, je lui ai demandé si c'était un mammifère, un sanglier. C'était un et sanglier. Il sait pas ce que c'est un mammifère. Je sais pas. Et c'est que depuis, j'ai eu tellement honte que j'ai fait des recherches pour plus jamais être bloqué. Et tu dis anthropode. Au Canada, arthropode. Arthropode. J'en ai aucune idée. J'avoue que c'est. Même moi, je suis pas c'est sûr. Quoi, arthropode. Arthropode, c'est tous les animaux insectes qui ont des pattes articulées, genre le crabe, l'araignée. Ah oui, d'accord. Donc non, on est sur un truc un peu plus gros que ça. Un grizzly. Un peu. Ouais, donc, un ours, un ours brun. Un fourmilier. Pas un fourmilier. Un petit ourson. Tu veux mignon. Peux trouver. Pas un petit ourson. C'est pas un raccoon. Mais du coup, à chaque fois, j'imagine ces animaux attaquer un ah, mais le chat de merde que pas t'aimes chat, bien là. Pas un élan. Pas un élan. Attends, c'est quoi? C'est une agression? Une agression. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est barré pendant 4 jours. Quel animal? Les policiers ont essayé de l'arrêter et un keuf s'est pris. Littéralement une droite de cet animal. L'animal. Ah, un kangourou. Mais oui. Ah, mais oui, une droite. Oui. Mais ils sont fous, ces animaux. Ils sont fous. Durant sa cavale, la femelle kangourou de 4 ans a surpris les automobilistes en sautillant. Tape des keufs carrément, les kangourous. Bah, vermine, à la base, c'était des kangourous, mais on a dû adapter. Moi, j'en rêve. Hein. La réalité dépasse toujours la fiction. On n'était pas à la hauteur. Elle a finalement été localisée près d'Oshawa. Dans un communiqué, la police régionale de Durham explique comment s'est déroulée la capture d'animal. Elle précise que le moyen le plus sûr, et ça, je vous le dis, si vous tombez face avec un kangourou, le moyen le plus sûr de capturer un kangourou est de l'attraper par la queue. Ah bon, mais... Moi je le montre à ces messieurs. Ah oui. Ils le disent. Non mais bon. Et de le faire tourner en mode javelot là, enfin en mode marteau. Les chats quand tu veux faire vomir un chat. Et après normalement vous êtes tranquille. Et après vous êtes tranquille. Oui, mais il te met pas une énorme droite en se retournant si tu lui attrapes c'est la gueule. Ce qu'il non mais passé. Il peut t'étrangler, tu sais, comme ils étranglent les chiens. Par terre et jujitsu brésilien quoi. À quel moment le kangourou il va pas rester face à toi quoi? Si tu essaies de le contourner pour attraper sa queue. C'est peut-être comme ça quoi. Dans Dragon Ball quand tu tires la queue, Son Goku et devient complètement immobile, ne peut plus rien faire. Mais je crois que de la première cherche kangourou. C'est un manga je crois. Je crois que c'est pas la vraie vie. Je crois, après je vérifie pas mes sources. Mais quelle espèce. Et donc oui, il lui a attrapé la queue. Toutefois, il semblerait que l'animal n'était pas si pacifique que ça, puisqu'un policier a été frappé au visage par le marsupial, une patate de kangourou. Il allait se marier le kangourou après, cela dit. Comme si de rien n'était. Patate de kangourou. Après son arrestation par la police, le kangourou a été transporté dans un zoo pour être examiné. Parce qu'en fait, il s'est enfui d'un zoo. C'est Madagascar. Un peu. Du coup, en vrai, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce kangourou. Moi aussi. Un peu envie de très belle histoire. On va chercher l'IP là. Ouais, ouais, ouais, très sympa. Est-ce que ça a eu des animaux de compagnie, toi? Est-ce que ça a toujours des animaux de compagnie? Toi, évidemment, Adrien, c'est une icône. Sophie a demandé s'il allait venir. Non, bah non, non. Si elle allait venir. Elle. Excusez-moi. Non, non, bah non, non. Elle n'est pas là. Pauvre bête. Elle n'est pas en ma garde cette semaine. Jérôme Niel. Moi, j'ai des chats, mais chez mes parents. C'est vrai que toi, t'es passionné par les chats, tu n'as pas de chat? Non. Est-ce qu'on peut savoir? Trop petit chez moi. Ah, tu trouves? Ouais. Oui, oh, alors. Ah ouais, ouais, longue discussion, ça. Bah, non, discussion non. Infinie, mais c'est comme ça, il va falloir que j'achète plus grand. Parce que toi, pour l'instant, je peux pas. T'as des chats qui se vont à l'extérieur chez tes parents? Ouais, bah oui, c'est jardin, donc. Donc tu rêves d'avoir. C'est ce délire-là qui te dit que tu peux pas en avoir? Hein? C'est vraiment ce délire-là qui fait que tu peux ah pas oui, en avoir? Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Non, mais je veux dire, le côté jardin, le côté. Un chat, il serait non, mais en tout cas, plus grand, quoi. Dans 50 mètres. Tu l'adoptes? Surtout un vieux chat qui a juste envie de finir ses jours tranquillement près de quelqu'un. Ah bah oui, qui marche ça, même plus. Un chat sans pattes même. Ça, d'accord. Ouais, bon, non, un chatron. Un chatron. Un chat. Il a pas besoin d'espace. Un chatron que tu poses comme ça sur un petit coussin. Voilà, on confondrait avec les autres coussins, quoi. Merde, je me suis assis sur ton chatron. Il arrête pas de s'asseoir sur le chatron, putain. Toi, Seb? Ouais, moi j'ai été plutôt chat toute ma life, mais c'est vrai que je suis plutôt chien. Ah, maintenant t'es chien. Mais je suis comme Jérôme, par contre, pour un chien, il faut ah oui, c'est des responsabilités, il faut de l'espace. Ah, bah oui, tout c'est ça. Sûr, c'est sûr. Donc, ça, j'attends vraiment d'être au top pour avoir. Financièrement, bien sûr. Donc, allez voir Vermine. S'il vous plaît. Si vous voulez que j'adopte un petit chien tout mignon, là. Ouais, bah oui. Il y a d'ailleurs un petit chien très mignon dans Vermine. Qui a été ajouté par Sébastien par pur amour des animaux. C'est vraiment, il a dit, il faut un chien. J'ai déjà tourné avec lui aussi. C'est ça. Après scénaristiquement, je trouve que bon, ah bah, il est loin d'être gratos, mais c'est vrai que je me souviens de Seb dans les premières réunions a dit faut un chien. Et bien sûr, un chien. Tu sais que c'est chiant. Il dit non, moi t'inquiète pas, je gère. Qui subit aussi le délit de sale gueule, qui est un des sujets du film, car oui, c'est oui, un exactement. Pitbull, et donc voilà. Et qui s'appelle adorable. Maggie, en plus, trop mignon. C'est quoi son vrai nom? C'est pas Maggie. C'est Gucci. Gucci. On aurait dû garder le vrai. Et toi, Sophia? Oui, moi je suis très très très très chien. Je pense quand j'aurai mon petit appart à moi, j'aurai plein de chiens. Mais quand t'étais enfant, t'en as eu? Ouais, tout le temps. Ah oui, d'accord. Le dernier est mort en 2019. Top. Cette émission lui est dédiée. Mais oui, oui, mais c'est que des histoires d'espace. À Paris, c'est difficile. Ou en tout cas, faut du en temps. En vrai, quoi. Non. Si tu en, ça dépend un de chien, la du chien. Toi, ton chien, il est assez menu aussi. En vrai, tous les spécialistes, en tout cas des chiens, disent c'est pas tellement la taille du logement qui compte, c'est toi, tes disponibilités, à quel point tu peux le sortir et tout. Parce que moi, un chien, en vrai, il court pas dans ton appart, tu vois, il est posé et tout. Mais si tu peux le sortir régulièrement, c'est même mieux après, que d'avoir un jardin et tu le laisses. Bien sûr. Ça, c'est un peu mon rêve, moi. Effectivement. C'est d'avoir ça dépend quelle race aussi tu prends. Si t'as un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser et tout. Mais justement, il faut le sortir. Ouais. Mais c'est pas tellement la taille de l'appart qui fait la différence dans ce cas-là. Ouais, ouais. Puis rappelez-le, bon, les auditeurs le savent, mais toi en plus, c'était un chien sauvage, Adrien. Enfin, sauvage, qui était dans un peu abandonné. Tu l'as capturé. Je l'ai capturé, ouais. Alors, en fait, il y avait une famille qui le promenait au bois de Vincennes. Je l'ai capturé, quoi. Voilà. J'ai fait une clé de bras. Au père et c'est voilà. Une des plus belles histoires que tu as dans ta besace. Ils viennent frapper chez moi régulièrement. Et je fais le mort, ça marche. Non mais je veux dire c'est que Non, c'est un chien de la rue. Si le logement est petit, c'est toujours plus cool d'avoir un chez soi, etc. Quand t'adoptes un animal, de toute façon, c'est toujours l'argument, quoi. C'est toujours mieux. Ils sont toujours mieux que voilà. Qui était à la SPA, ils étaient dans ça marche pour les chats, ça aussi. Oui, c'est... On verra. Mon chatron là. Un homme a été arrêté car accusé d'avoir assassiné une dame de 92 ans. Je vous demande le mobile et l'arme du crime. Qui sont évidemment un peu farfelus. Il voulait avoir son appartement là. Alors, on est sur une histoire de viager. Sur un viager. On est sur un viager, mais c'est l'arme du crime qui est un peu cocasse. Un aspirateur? Pas enfoncé dans la gorge. Cuir en bois et ça a été très long. Ça me fait penser à un truc ça après. Mais c'est violent. C'est un meurtre donc. Non, mais... elle a pas été découpée. Ah, okay. Voilà, balayée. Donc un meurtre cool. Ça toujours pimpant. Enfin non, tout ça, ça ne lui paraît pas. Il y avait arrivé. Du sang, beaucoup de sang. Il y avait pas de sang, aucun sang. Elle a été empoisonnée. Elle a ingurgité quelque chose. Alors elle a été ingurgité quelque chose. De l'alcool. Pas de l'alcool. Il l'a étouffé. Il l'a étouffé. Ah, il lui a mis un truc dans la gorge. Alors je vous demande. Un torchon. Non. Alors c'est un truc jouet, un peu jouet. Non. Un god. Non, comment? Un god. Oh. Elle a bu quelque chose qu'il a mangé ou bu quelque chose qu'il a étouffé. Alors c'est. Non, c'est un truc qui lui a obstrué la trachée quoi. Tout à fait. Mais c'est un objet. Enfin un objet. C'est à manger. Mais c'est... Ah, c'est un truc à manger. C'est un truc à manger. La pâte à modeler. Pas de la pâte à modeler. Il y en a sur la table. Un truc à manger. La peau de la banane. Pas de la peau de la banane. Mais attends, du coup, c'est un aliment c'est marrant salé, un peu. Salé, sucré. Je crois qu'on est plus sur du sucré. Mais c'est marrant comme aliment, c'est drôle. Le résultat. C'est des bonbons. Une forêt noire. Pas de chewing gum. Pas chewing gum. Elle était pas allergique à cet aliment. Non, c'est vraiment juste ça. Ça l'a étouffé. Donc c'est un truc assez gros. Plutôt. Ouais, en fait, tu peux. Si t'es gourmand, tu peux un peu la manger comme ça, mais. Un boudin noir. Des sardines. Une andouillette sucrée. Ah, c'est sucré, pardon. C'est sucré. Ah oui. Une énorme brioche. Ah, on est... J'ai de la cordée, on est pas loin. Du pain d'épices. Une madeleine. Oh. Une madeleine. Une madeleine. Ah, mais c'est quoi ce meurtre? Mais au fond de la gorge. Mais c'est quoi, c'est genre il a enfoncé la madeleine dans la gorge? C'est ça, visiblement en tout cas. Mais pour le moment, c'est pas sûr. Pour le moment, l'homme est accusé, mais il n'est pas jugé. On va pas commencer à dire qu'il est coupable. C'est vrai que tu pourrais dire. Bah, non, ouais, le problème, c'est que voilà, là, on est dans de la raconte. Je vous le dis. On pourrait dire qu'elle a elle-même mangé cette madeleine en une fois comme ça. Ouais. C'est ça parce que ça paraît un aliment. Aujourd'hui, je vais gober une madeleine comme tous les jours. Ah bah, aujourd'hui, c'est pas passé. Oh, j'ai oublié de mâcher. Oh non. Bien sûr que c'est un meurtre. C'est sûr que c'est un meurtre. Voilà, la retraitée est une femme très menue qui souffre de troubles cognitifs et le viteur laisse une étrange impression aux employés. La nonagénaire, 90 ans quand même, 92 pardon, réside dans une chambre située au 4e étage. Nonagénaire, t'as dit ? Une nonagénaire. Ah non, nona, j'ai compris nana. Nonagénaire. J'ai très bien compris. Nonagénaire. Bref, la chambre était enfermée. Le visiteur demande à une employée de lui ouvrir la porte. Déjà, c'est un peu étrange. La visiteur laisse toutefois une impression étrange. Étonnée de cette visite, une aide-soignante se rend dans la chambre d'Yvonne et constate que la pièce est fermée à clé de l'intérieur. L'homme n'ouvre la porte que 5 minutes plus tard. La sexagénaire part finalement vers le morte. Sexagénaire. Oui, bon, donc okay. T'as dit quoi ? Et elle est morte. Enquête résolue a priori. Attendez, 5 minutes. Ok, je vous ouvre. Elle est morte. Vous l'avez tuée ? Non. Quoi ? Elle s'est étouffée. Bref, des miettes de gâteau sont retrouvées sur Yvonne et des morceaux sont retirés de sa bouche alors que le paquet de gâteau est 3 mètres plus loin. L'autopsie confirme finalement la mort. Elle l'a jeté en plus. Il a dit ouvre la bouche, te jette une madeleine. Peut-être c'est vraiment ça, ils ont fait le jeu là. C'était un challenge TikTok. C'était un fun, je crois. Le médecin légiste a également noté, et c'est là où, attention, peut-être assassinat, une infiltration hémorragique du muscle du cou, éventuellement consécutive à une saisie cervicale. Ok, bon. Mais c'est peut-être ça, en s'étouffant, elle s'est pris la gorge comme ça. Non, non. Il l'a assassiné. Elle a oublié de mâcher, alors elle s'est dit Oh là, elle s'est fait un massage. Donc les enquêteurs mettent du temps à trouver le suspect, ils l'ont toujours pas trouvé, ils le cherchent. Et la question, c'est Yvonne a-t-elle été assassinée ou a-t-elle simplement mal gobé sa madeleine? Oui. En la présence du mec, qui a rien fait, a priori. Que les étudiants ne connaissent pas. Ouais. Bon. Alors attends, c'était dans une maison de retraite, c'est ça? Ouais, maison de retraite. Putain. Que des pitchs de films, jusqu'ici. Non, pas des pitchs, des madeleines. C'est malade, mais malade, je suis avec toi. Claque, Non, et attends, du coup, ça me rappelle un truc. Est-ce que vous voyez cette vidéo qui a beaucoup tourné sur internet où t'as une vieille, il y a des gens qui sont en train de faire des travaux dans Bien son sûr. Jardin? Mais tu vois, il a dit Nardine Bebek. La vieille qui utilise ça, vous l'avez jamais vu? Ah putain. C'est une vieille raciste, hein. Appelons un chat un chat. Bah non, parce qu'elle parle. Elle insulte les gars qui. Ouais, mais c'est pas des maghrébins, les mecs. Il me semble qu'il y en a. Je crois pas, hein. Ah ouais, il me semblait qu'il y en a. Non, je crois qu'elle dit ça, genre au contraire, c'est inclusif. Non, mais. Elle est woke, la vieille. Woke, la vieille. Non, mais elle est. C'est une vieille qui est hyper agressive avec les. Avec les ouvriers. Pauvre con, casse-toi et tout. Elle parle comme ça. Bon, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur internet. Un même, quasiment, on pourrait dire. Un même, on peut le dire. Bah, il y a un on de la raconte sur elle parce qu'elle s'est fait assassiner par son beau-fils. Alors, sachant que pour ajouter une petite couche de. Mais récemment ? Assez récemment, ouais, je crois. Pas si longtemps. Mais parce qu'en plus, elle était horrible. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en plus, leur relation avec le beau-fils, on vous invite à écouter le on de la raconte, c'est vraiment des histoires de famille où ça bloque des héritages et puis ça veut pas donner d'argent. Alors, et c'est que des histoires comme ça. Je vais tempérer un peu. Vas-y. Elle avait aussi été violée par des nazis et sa fille était le fils de. C'est bien que tu sois là pour tempérer quand même. Non, mais avec des petites ça chamboule un peu. Ça si elle est un petit peu soupolée, je lui pardonne un peu. Bon, un peu sensible la dame, mais bon. C'est vrai que toi t'as une empathie naturelle. Non, en fait. Mais bon. Moi, j'ai non, mais c'est vrai que quand j'ai appris ça dans le On de la Traconte, je fais ah oui, bah. Oui, bon. Elle a le droit de dire Nardine Mott, Nardine Bebek à des gars qui sont dans son jardin, quoi. Moi, c'est ok pour moi, tu vois. C'est la scène coupée de Tati Daniel. C'est ça qui aurait vraiment changé tout le film. Ouais, ouais. Une bague de 750 000 euros avait disparu, elle a enfin été retrouvée. Où était-elle ? Dans un animal ? Non, pas dans un animal. Dans un humain ? Pas dans un humain. Dans une tombe ? Pas dans une tombe. Oui. T'es dark, toi ? T'es dark ? T'aimes trop le métal, toi. Ouais, c'est vrai. C'est farfelu. C'est, ah bah t'es au flot de casse. Enterré quelque part ou... Alors pas enterré. Non non non, vraiment retrouvé. Vous pouvez poser des questions sur... Parce que là j'ai été très vague. Dans un lieu. Alors le lieu, quel serait quel... Donc, le lieu va vous aider très vite. Ah oui, ça c'est la réponse. Non, c'est, ah, pas, okay, c'est pas un lieu. C'est un... Ouais, privé c'est ou public. Un lieu public. C'est un lieu public. Une rue. Une pas piscine. Une rue, pas une piscine. Dans un musée, tout simplement, où elle est exposée depuis. Dans longtemps. Une bijouterie. Pas tout simplement. C'était important de préciser. Personne l'avait acheté en fait. Une école. Pas une école, pas une bijouterie. Un lieu qui est un peu farfelu en lui-même. Pas tant, non. Le jour. Vous tous, vous avez déjà mis les pieds dans ce lieu. Une banque. Même pas plus tard que. Peut-être pas Adrien, mais vous, cette semaine, vous y étiez quoi. Des toilettes. À la salle de muscu. Un cinéma. Adrien n'est pas allé au chiottes de la semaine. Non, pas un cinéma. Pas un cinéma, mais. Dans un Franprix. Pas dans un Franprix. Pas dans un Franprix. Dans un lieu public, tu dis. Lieu public, oui. Public dans le sens de n'importe qui peut rentrer, peut sortir. Un bar ? Quelqu'un avec un peu de sous. Oh. Il faut quand même, voilà, pas un bar. Un restaurant. Un petit bar. Un petit bar. Ouais. Pas un restaurant. Attends. Quelqu'un avec un peu de sous. Putain, mais c'est. Bah là, faut vraiment même beaucoup de sous pour ce type de lieu. Pour ça que je suis pas allé. Bah un casino. Mais on va partout. Non. On y va toutes les semaines. C'est vrai. Il y a une addiction totale. T'as une addiction, Sébastien. Ouais. D'ailleurs, c'est une intervention. Il y a pas de podcast. Hein. Très à la mode. Il y en a dans Paris, plusieurs. Oh, il y en a des à tous les coins de rue. Je vais vous dire le lieu. Mais le métro. Non, pas le métro. Un hôtel. Ah. Un simple hôtel, mais pas n'importe quel hôtel. Le Ritz. Oh. Le Ritz Hôtel. T'es en train de donner la réponse entière. Le Ritz Hôtel. Ah, ça a été oublié. À l'intérieur du... Non. C'est où dans l'hôtel, c'est ça? Où dans l'hôtel a été retrouvée cette dans bague? Dans les tuyauteries. Non. Les cuisines. Dans la buanderie. Pas dans les cuisines, pas dans la buanderie. Dans une chambre. Alors, pas dans une chambre. Sous le lit. Dans une chambre. Pas sous le lit. Dans une plante. Pas dans une plante. Là, la propriétaire pensait vraiment l'avoir. La propriétaire pensait même qu'on lui avait volé. Elle était genre, oulala, attendez, je suis dans mon hôtel, il y avait une bague à 750 000 euros. Pas exclu. Alors qu'en fait, c'était dans la petite table de nuit à côté du lit, quoi. Alors, pas exactement. Je me permettrai de voir si on lui a quand même pas volé, selon le lieu. Voilà. Elle était là ? Oui, ok. Ça ressemble un peu à ça. C'est dans un meuble ? Pas dans un meuble. Dans sa chambre. Pas dans sa chambre, pas dans les draps. Par terre, sur le sol. Pas par terre, sur le sol. Quoi ? Mais dans la lévitation ! Dans la. Il est survolté ! En lévitation. On a fait toutes les surfaces. Un grenier. C'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un endroit spécifique à un hôtel? Non. Non. Pensez hôtel. Il nous a dit pensez hôtel. C'est spécifique à l'hôtel. Alors là non. Ça peut être partout. Ça aurait pu être. Pensez hôtel. Voilà, c'est tout. Vous voulez juste que vous pensez hôtel. Bah, la réception. La réception, ouais. Non, pas la réception. Alors là, vous cherchez un endroit énorme. Donc c'est pas spécifique à un hôtel. Bah non, mais ça va. Non, mais. C'est dans sa chambre ou pas dans sa chambre? C'est pas dans sa chambre, mais dans un hôtel. Allez à l'hôtel. Un ascenseur. Un coffre. On dort. Ascenseur, non, pas un coffre. Frigo. Pas un ascenseur. Frigo. Pas le frigo. Lobby. Pas lobby. Non mais on, cuisine. Dans un hôtel, on dort. Oui. Voilà. Un lit, j'allais dire. Un lit, il y a pas un. On c'est l'a pas dit déjà. Dans le matelas du lit. Pas de matelas, mais aussi. Un canapé lit. Quand on quitte l'hôtel. Il se passe des choses dans l'hôtel aussi. On fait un check-out. Truc de ménage. De... On s'approche. Chariot. Pas chariot, mais on n'est pas. Lave-linge. Non, t'étais plus proche avec. Lave-vaisselle. Pas lave-vaisselle. Non, t'étais plus proche. Dans les petits paniers avec tous les produits. Le tous room les service, douche, le pas truc. Pas le petit panier, pas le petit room service. Non, mais voilà, vous étiez autour du ménage, vous étiez pas loin. Les draps. Pas les draps. Non, pas les serviettes de chambre. Ça fait 5 fois que tu dis les draps. Ouais. On est en lévitation dans les draps. Dans une bouteille de gel douche. Non, mais ce serait encore plus farfelu. Ah, les petites. Oui. Non, là, il y a une explication qui peut être logique, mais j'y crois pas. Douche trop. Non. Mais elle se lave les mains, elle fait sa douche, elle retire le truc, elle le met dans la salle de bain, la femme la récupère. Elle l'avait posé, je vais regarder où est-ce qu'elle. Sur la table de chambre, elle l'avait posé. Ah. Mais ce n'est évidemment pas la réponse. C'est. Les gens arrivent, quand vous quittez la chambre, ouais. Les gens viennent nettoyer. Exact. Qu'est-ce qui a pu se passer? Dans l'aspirateur. Aspirateur. Eh oui, dans le sac d'aspirateur. Et c'est pour ça que je te disais, une excuse peut-être. Ouais, peut-être. Après, non. Moi, je me souviens de penser hôtel. Oui, l'aspirateur. Oui, mais d'accord, non, je sais ce qu'il veut hôtel, dire. Penser rangement, femme de chambre. Je vois ce qu'il veut dire. Okay. Vous avez fait groom ou vous avez pas fait groom? Vous connaissez normalement. Ils sont spécialistes. Ils connaissent tout normalement. Ah ouais, la propriétaire est une chef d'entreprise malaisienne qui avait déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police de Paris. Elle avait alors raconté aux autorités l'avoir laissé sur une table de la chambre qu'elle occupait avant de quitter l'établissement. et elle l'a pas retrouvé à son retour. Donc elle a dit voilà, on me l'a volé. Et l'établissement hôtelier dément de son côté toute tentative de vol et loue la mobilisation de son personnel dans la recherche du bijou. Notre cliente est heureuse de cette nouvelle. Nous tenons à remercier les collaborateurs du Ritz Paris qui se sont mobilisés dans cette recherche et qui travaillent chaque jour avec intégrité et professionnalisme. Mais en du fait, coup, ils ont été fouillés le sac d'aspirateur là. C'est fou. C'est ils ça. Ont fouillé ah. tous les sacs d'aspirateurs. Ah oui, c'est... Du en vrai. Ritz. Tout dépend du laps de temps entre la déclaration de vol et ouais. le moment où ils l'ont retrouvé. Si c'est une semaine après, c'est une possible. Mise en scène. Ah ouais, ah non, oui. l'inverse moi. Un aspirateur dans un hôtel, à mon avis, le sac tu le vides tous les jours. Mmh. Bah c'est pour ça. C'est, je pense que les fouilles elles sont longues. Et non mais tu Parce le vides, tu les jettes et c'est fini. Ouais, ou sinon ah. ouais, ils ont dit bon finalement il y a trop de pression, on va faire genre on la retrouve. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça ressemble à ça moi. Si c'est longtemps après, ils vont faire bon vas-y, on va dire. T'imagines le Ritz, c'est gigantesque. Pour moi le nombre d'aspirateurs et de sacs d'aspirateurs. Moi je trouve que ça ressemble à Oui, ouais, c'est ce que je dis. Ouais, ouais, ouais, si c'est trop longtemps après, c'est une mise en scène, je pense. Pour moi, c'est un Guy Ritchie. Mais bon, que des pitchs. Voilà, que des pitchs. Est-ce que vous êtes tête en l'air autour de la table? Oula, oula. Eh oui. C'est l'histoire ouais. de ma vie. Je sais oui. pas, j'ai oublié la question, c'était quoi? Oh, oh non. Tête de Lina. Enfoiré. oui, Sophia. Est-ce que toi, tu l'as un petit peu, j'ai l'impression? Ah oui, non, mais complètement. Bah, oui. Oui. Tu sais que je lutte depuis tout à l'heure, je me concentre, tu vois. Tu écouteras, je suis toujours à côté de la plaque dans les réponses parce que j'ai oublié ce qu'on disait juste avant. C'est un trouble de l'attention, peut-être. Mais oui, ça. Énorme. Mais ce qui est fou, parce que t'es comédienne, alors que c'est vraiment le métier où il faut être concentré, souvenir des choses, etc. C'est... Oui, mais j'étais pas très concentrée hein, sur Vermine. Ah, il faut se souvenir du texte. Le texte était un peu compliqué. Oh non, des oiseaux! Non, mais c'est des araignées, putain! Ça fait une semaine qu'on tourne. Elle avait beaucoup plus de texte à la base hein, que ce qu'il y a dans le film. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais de toute façon, c'est un film de ressenti. Les dialogues. C'est ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche, ce que t'as écrit. On s'en branle. Toi, Seb? Ouais, si c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup de choses en tête, je dois faire un tri. On dirait que j'ai pas beaucoup de mémoire vive. Donc du coup il y a des choses qui sortent. Et ce qui sort en général c'est les clés, les porte-monnaies, les trucs comme ça pour laisser la place à ce qui se passe dans ta semaine J'aimerais bien voir ça. Donc du coup voilà je trie et c'est plutôt ça quoi. Moi en ce moment j'ai ce truc de je veux pas perdre la mémoire. Enfin tu vois j'essaie de me dire tu fais des exercices. Bah ouais j'essaie de me souvenir et du coup je bloque sur des trucs. Et vraiment c'est chiant au quotidien ça quoi. Marche pas mais j'essaie c'est dur les exercices j'étais en mode vas-y je vais pas lâcher quoi ouais, putain, bah, mais... Le prénom de ta fille. Ah, mine. Ouais, voilà. Vermine. Merde. Non, mais oui, il y a vraiment ce truc-là et avec Internet, c'est encore pire. Le nombre de fois où je vais sur Internet, machin, après je clique sur YouTube, après je fais attends, qu'est-ce que j'étais venu chercher ça, mais putain de YouTube, qu'est-ce que j'étais venu cliquer. Complètement. Ça, c'est mon pur quotidien. Toi, Adrien? Très, très bon exemple. Alors, t'es en l'air, ouais. Ah ouais? Ah ouais, à fond. Mais moi, déjà, trouble de l'attention, déjà. Un peu, mais. Mais t'es HPI, ceci dit. Tes récompenses. Non, mais ouais, tête en l'air, ça m'est arrivé une fois de. Et c'était à l'époque où. Enfin, ça m'est arrivé une fois d'aller retirer de l'argent. Je fais mon code, je dis combien je veux, je prends ma carte et. Alors, c'était il y a longtemps. Ouais, je laisse l'argent. Oh, c'est fou. Ça m'est arrivé, ouais. Oui. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je regarde mon portefeuille, je fais, mais attends. Ah, bah oui, j'ai oublié. Bon, bah, voilà, terminé. Ça m'est arrivé. Ils sont où ces 1000 balles? Toi, Richman. Jean-Luc Richman, ouais. Bam! Moi, sur la même thématique, moi, c'est carrément le code que j'oublie une fois par an. Ah ouais? Ouais. Genre il disparaît. Mais alors que je le tapais il y a encore hier. Ouais, tu vois, et c'est trop noir. C'est parce que t'as plein de cartes bleues. T'as plein de cartes bancaires avec les sociétés. En plus, j'en ai qu'une, vraiment qu'une nulle. De couleur verte. La banque très postale. Étudiante. Ouais, vert, c'est vraiment. J'ai Crédit Agricole, elles sont vertes, elles sont nulles. Gros bébé cadom. et du coup, et une fois par an, je l'oublie, mais totalement, ouais, vraiment. Et ça, c'est extrêmement flippant, quoi. Je fais, mais attends, non. N'importe quoi. Ça fait 7 ans que je fais le même. Attends, c'est 4, 8, 5. Mais attends, ça me rassure un peu tout ça, moi. Et je suis persuadé que c'est ça. Et vraiment, et quand je suis à deux doigts, bien sûr, de me faire avaler la carte, je fais attends, on se reconcentre. Et c'était pas du tout ça. Ça t'est déjà arrivé de te faire. Il te garde ta carte. Ça m'est arrivé, moi. Ouais. J'oublie mon code. Je fais attends, c'est ça. Non, c'est terminé. Ça m'est arrivé une fois. Garde ma carte. Oh là là. Et là, tu te dis, ceci dit. Foutre en l'air, je suis cool, apparemment. Ça y est, c'est fini pour moi la vie. Quoi. En vrai, ça va. Mais ouais, ce moment où ça t'avale parce que t'as fait le mauvais code et tout et c'est terminé. Tu te remets en question. Ouais, t'es vraiment solo comme ça sur, ta, sur ton vieux trottoir. Là, c'est avec fini. Un baluchon. Moi, je voulais vraiment. La vie continue, je vais appeler cette banque maintenant pour voir où ils en sont. Et bah non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, il te dit c'est mort. Il faut, tu peux pas récupérer. Ah, faut recommander la carte. Faut recommander. Oui, faut recommander. Ah, c'était horrible, je fais, mais comment ça? Je peux pas attendre, elle est juste derrière le mur, quoi. C'était trop horrible. Ouais. Derrière le mur. Le c'était monsieur horrible. Qui mais l'a c'était pris pas, derrière. C'était, c'était, moi, j'étais chez Crédit Agricole et là, c'était je sais pas quelle banque. Et genre, ils m'ont dit non, c'est mort. Je fais, mais. Ah oui, ça oui. Elle est à 4 cm de moi derrière ce mur et vous me dites qu'il faut que j'appelle et que j'attende une semaine et tout. Oui. Ça, moi, je me suis détendu de ça, mais c'était les trucs qui m'ont rendu foudrage. Les trucs de. Non, mais la, c'est normal, la solution serait très non mais pas que ça mais tu sais les trucs où la solution est très simple on fait des... mais voilà il y a des et règles. Tout le monde est d'accord en plus c'est tout le monde est fait je comprends c'est je comprends mais il faut aller au Canada maintenant d'accord et tu peux même pas t'énerver contre la personne ouais, elle fait son taf en fait ouais, c'est ça bah oui c'est vraiment pas elle qui a décidé de cette loi là quoi et dans le même temps j'ai tendance à le faire bien sûr j'ai déjà vu 150% responsable la personne qui n'a rien à voir j'ai déjà vu dans un hôtel énervé contre quelqu'un, ouais. Oui, c'était la pauvre personne. Et 5 minutes après, je dis bon, autant pour moi. On se calme, on redescend. Pardon. Et là, le gars dit non. Enfin, vous redescendez. Moi, je suis déjà très bas, vraiment. Je suis... Mais ouais, c'est ça aussi avec les mots de passe. Ça fait un peu blague de stand-up, mais la vérité, c'est que ça m'arrive tout le temps. C'est le mot de passe marche plus. Je fais ok, changer de mot de passe. Ah, mot de passe et sur internet. De passe, et tu ne peux pas avoir. Je te dis de prendre le nouveau mot de passe. Ne peut pas être l'ancien. En fait, c'est ça. C'est ça. Il dit bah non, vous avez déjà eu ce mot de passe. Voilà. Et ça me rend fou. Je fais bah non, je l'ai déjà mis ce mot de passe. Enfin, vous me dites que je l'ai pas. Et vous me dites que le nouveau c'est l'ancien. Et bref, voilà. Ça, c'est je te dis de prendre un gestionnaire de mot de passe. Mais ça, j'ai pas confiance en ça. Oui. Parce que des fois, les Mac et tout, ils te proposent pas automatiquement les mots de passe. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais les trousseaux de mots de passe, c'est pas de ça que tu parles. Je te parle d'un logiciel qui est gestionnaire de mots de passe. Qui garde ton. Mais c'est dans le cloud. Tu prends un petit carnet et tu notes tous tes petits mots de passe ici, tu le gardes bien au chaud à la maison. Et moi je suis à ça, je suis à deux doigts de passer mais à oui, ça. Fais voilà. Ça. Moi j'ai fait ça. Hein. Ouais. Moi là je te propose la version que si on. C'est logiciel. Si j'avais dépassé 1834, tu veux dire. Et si on te vole ton carnet, on ne peut pas. Ouais, mais est-ce que le logiciel il demande un mot de passe pour accéder bien à tous sûr, les mots de passe bien bon, sûr. Tu vois, prends un carnet. Prends un carnet. Mais le mot de passe, est-ce qu'il est interne? Un carnet où il n'y a pas de mot de passe du tout et si on te le prend, on a tous tes mots de passe. Tous les mots de passe écrit en clair comme ça. Mais il est chez toi. Mais est-ce qu'ils sont interconnectés, ton logiciel de mot de passe? Est-ce qu'il fait aussi l'ordi, le téléphone? Mais oui, le... oh, c'est ça. Sublime. C'est ça, c'est que. Du coup, moi, tous mes mots de passe, c'est genre X dollars, point d'exclamation, H, machin, c'est des trucs introuvables quoi. Putain. Alors comment c'est je suis Florent. Florent Floodcast. Florent Floodcast 1991 avec madame. Les mots de passe sont les mêmes depuis 2007 un truc comme ça. Ouais, moi aussi, pas, ça n'a pas bougé. Ah, moi ça a bougé parce que récemment j'ai eu un truc de l'iPhone qui dit au fait, juste comme ça, hein, vous avez 34 mots de passe corrompus. Je fais pardon. Et ils te disent, il y a un truc où ils te disent les mots de passe corrompus, genre il t'est rien arrivé, genre ils te l'ont pas tu t'es pas fait pirater, mais ils te disent attention je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, corrompu, mais c'est bah, en tout cas tes mots de passe sont de la merde. Parce que maintenant il faut rajouter un point d'exclamation, une étoile, c'est une ça, carré, une lettre, plus haute que l'autre. Non. Plus haute que l'autre. Ouais. Ouais. Ouais. Majuscule en fait. Voilà. On appelle ça le nom, c'est majuscule. Prenez des effets un mot de passe. Une nouvelle tendance, tatouage, a vu le jour sur TikTok. Quand t'épelles ton nom A plus haut que l'autre. petit. Je suis arrivé en France il n'y a pas longtemps. Le I avec un chapeau. Trop mignon. Donc oui, une nouvelle tendance tatouage a vu le jour sur TikTok, l'appli là. Oh là à là. Votre avis, quelle est cette mode? Tatouage dans l'œil. Non. Alors, tatouage est-ce que coloré? Oh, excuse-moi. Non, c'est pas coloré. Enfin, ça peut l'être, mais c'est pas trop. Alors, est-ce que c'est la chose qui est tatouée, le motif qui est particulier? Tout à fait. Ok. Ah, c'est le motif. C'est le motif. Oh, c'est pas un truc de type QR code ou un truc comme non, ça. Non, ce n'est pas un QR code. Est-ce que c'est tous la même chose? Tous les gens se font tatouer la même chose. Alors, ah, c'est un truc par rapport à eux. Ouais, c'est la même chose. À eux et quelqu'un de leur entourage. Donc c'est pas, c'est la même chose dans le c'est sens. C'est genre, par exemple, chacun se fait tatouer le visage de son conjoint. Ça, donc, ça veut dire que c'est la même chose, ça. Mais pour chaque exactement. Personne c'est différent. Okay. Très très bien. D'une personne décédée de ta famille et la personne elle le sait pas et elle se met à dessiner comme ça sur ton bras. Non, la personne truc. Je sais pas, la personne décédée. Oui, ne sait le pas. Tatoueur. Non, le tatoueur. Un portrait robot. Un Death Note. La personne décédée sur le bras. C'est-à-dire tu le décris et de Xavier Dupont de Ligonnès. Putain, c'est lui ou pas? Bill Duquiès. Ouais. Non, pas du tout. C'est quelque chose que tu partages avec un autre, oui. Une autre personne. Tout à fait. Ah, c'est des tatouages à deux? Non. Ah. Non. Mais une personne genre dans le monde que tu connais pas? Bon, tu fais ce que tu veux. Ça pourrait être quelqu'un de très proche, ah, comme quelqu'un dans la rue si tu veux. Mais donc c'est un mieux portrait. Quelqu'un de proche. Pas un portrait. Ah ok. C'est farfelu. C'est un peu farfelu. C'est du texte. Vous écoutez le podcast. C'est du texte. Pas du texte. Des chiffres alors. Pas des chiffres. Une empreinte digitale. Pas. Non mais on s'approche. C'est une idée. Ah. Une onde de non. voix sonore, non oui. Non, c'est pas ça. Ça, ça a été très un la mode. Spectre. Ah ouais, ça. Une waveform. Une waveform, absolument. T'es réel. Je suis un peu dans le son. Vermine, le 27 décembre au cinéma. Beaucoup de son dans ce film. Attends, c'est lié, si vous aimez le son, ah bah alors allez voir Vermine. C'est lié à la. Tu te rapprochais, t'avais dit quoi? Une empreinte digitale. Empreinte digitale, on s'approche. Un groupe sanguin, quelque chose comme ça, du nick un peu à la personne. Il faudrait. Ah, non, mais là, c'est pas du texte. Un brin d'ADN. Pas un brin. Donc c'est l'échelle du brin ADN. Non, du coup, non. C'est minuscule, on le voit presque pas. Ouais. C'est graphique, enfin c'est. Oui. Ah oui, c'est graphique, bah c'est un tatouage, ouais. Oui. J'ai bien conscience que c'était ridicule quand même. Après, pour ta défense, tu as 48 de fièvre. Non, j'ai pas de fièvre. Ok. Donc c'est pas du texte. C'est un dessin. Pas vraiment. Enfin si, c'est un dessin, encore une fois. C'est un truc scientifique. Non. C'est un motif. Enfin, genre, oui, c'est un motif, voilà, c'est un motif. Un symbole. Non, mais c'est symbole. Donc du coup, pas empreinte digitale, mais c'est une empreinte de la personne. Genre tu t'approches, la trace de sa main, de son pied. Tu es presque, là il est... Morsure. Très bonne réponse. Morsure dernier ou quoi? Bite mark tattoo. Dévise les internautes. C'est un peu ridicule. Ridicule. Si c'est un peu sexy, c'est un peu hot. Un avis? Ridicule. Ouais, ça c'est une marque de dents. Ça va en très tatouage. Mal vieillir. Ouais, ah ouais, c'est non, mais non. C'est quoi, tu te fais la marque de dents de quelqu'un sur alors toi? Je vais t'expliquer. Bah c'est Malabar quoi. Ouais. Oui. Ça fait c'est Malabar pendant Halloween. Malabar ou les t-shirts. Ah, il y a quelqu'un qui m'a mordu. Mais si, mais c'est un peu truc animal, tu vois. Non, ouais, mais Ringo, c'est comme les, c'est comme le bisou dans le cou quoi. Oui, un suçon quoi. Hein? Toi tu trouves ça? Ah non, je trouve ça dégueulasse. Les experts en tatouage et en santé mettent en garde contre cette pratique qui, en plus d'être un énorme truc de beauf, comporte... C'est ce qu'ils disent, hein. C'est les scientifiques. Premier point, c'est beauf. C'est tout. Scientifiquement prouvé beauf. Il y a des risques d'infection. Bah oui, les morsures laissent de la salive et on sait ce que peuvent comporter les bactéries. Ah oui, attends, voilà, j'ai pas attends, attends. Les gens, ils se mettent genre de l'encre de tatouage sur les dents et ils mordent. Non, ils mordent fort. Ouais. Et après, et le après ça passe tatoue dessus. Direct. Et après, le tatoueur tatoue par dessus. Donc il tatoue une plaie, il tatoue j'avais un endroit qui est. Là, t'aimes bien? T'aimes mieux? Non, j'aime pas beaucoup mieux. Mais... ah, mais un peu. Moi, j'aime. Mais ça donne peut-être un autre effet. C'est tatoué un hématome, là, clairement. C'est ça. Qui est censé se résorber. Donc, du coup, ça peut. Et là, tu mets de l'encre par-dessus. C'est compliqué. Oh oui, Marine Minahan, une tatoueuse basée à New York, met en garde contre le risque potentiel de cette tendance, sollicitée par Business Insider, qui sont des grands amis du podcast. Elle recommande à ceux qui seraient tentés par ce tatouage d'être vigilants. Que se passe-t-il si la personne a une infection? Vous ne savez pas où la bouche de cette personne a été, a déclaré la tatoueuse, connue sous le nom de Miss Vampira. On l'embrasse. Miss Vampira. En tout cas, elle porte bien son nom, en tout cas. On l'embrasse. Et oui, il y a un autre gars qui dit effectivement c'est très dangereux pour le coup, c'est Adam Friedman. Les morsures humaines sont connues pour leur propension à provoquer des infections à l'endroit de la morsure et poser un risque potentiel de transmission d'infections. Alors, sont connues. Non. Les morsures humaines sont connues pour. Non, arrête non, de mentir. Non, moi, c'est non. Tu racontes. Bah, c'est très connu que les morsures humaines. Combien de fois tu croises des morsures humaines dans ta vie? Moi qui ai fait quelques soirées avec Adam Friedman, il en parle. C'est vrai que lui, il le sait. Est-ce que ça a des tatouages, toi? Je sais que tu as quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Il y a le chat. Des trucs sur. Il y a le play et pause. Un chat dessiné par Tarmaz. Exactement. Bien sûr. Une illustratrice. Il tient très très bien d'ailleurs. Ouais. Et Tarmaz, on le voit dans le film. Et petite anecdote. Ah oui, on le voit dans le film. Bah, il me semble, ouais. Ah non. Non, bah non, il a fait 4 heures de maquillage pour les planquer. Ouais. Ok, alors je confonds, mais je sais que je l'ai vu. Ah non, je l'ai vu dans ailleurs, alors. Ouais. Dans un autre film. Il a pas regardé Vermine, il a regardé Groom. Mais oui, ah ouais, ça... non, tu sais quoi? C'est exactement ça. J'ai regardé des vieux épisodes de Groom et on le voit. Mais où sont les araignées? Je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. J'ai une petite anecdote sur Tarmaz, voilà, c'est très inside. Je la connaissais au lycée. Ah ouais? Mais oui, c'était une amie d'amis et je la connaissais à l'époque du lycée. Voilà. Tout se recoupe. C'est ça, c'est comme des pattes d'araignée. Du fin. La vie est une grande toile d'araignée. Ça fait être sur l'affiche, hein, cette tagline. Hein, ouais. Et oui, le play et pause qui ont une petite signification. Sur l'affiche, t'étais avec Tarmaz au lycée? Non, lâche pas. Sur l'affiche, la tagline. Sur l'affiche de permis. Flo était avec Tarmaz au lycée. Le 27 décembre au cinéma. On ne voit pas ses tatouages dans le film. Par contre, on le voit dans Groom. Par contre, avec le lien YouTube, le 27 décembre, la chaîne, le HTTP au cinéma. De point YouTube. Si c'est vraiment les tatouages que vous voulez voir, regardez plutôt Groom. Oui, le play et pause qui a une petite signification quand même, que et tu as fait à l'époque de quand j'étais en Australie, où je faisais des vidéos sur YouTube. Et je attends, il y a la forme Jérém. Play pause et il y a forme Jérém. La forme Jérém. La forme Jérém. C'est comme ça qu'il, qu'il m'appelle. C'est bien, hein. T'avais jamais entendu ça. Non. Sa chaîne de où fait du ouais, de fitness, de la muscu, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sophia, pas tatouage. Je compte m'en faire. Ah, ça y est. Ah, tu comptes. Alors, t'as une petite idée? Non, parce que si c'était le cas, ce serait déjà fait. Et voilà. Bam. Mais l'idée de te faire tatouer te plaît quoi. Oui, grave. Et tu d'accord. as une idée de thème à peu près? T'es pas obligé de le partager avec nous, mais oui, tu j'ai une petite trucs. Idée. Ouais, oui, j'ai une petite très idée. Bien. Toi, Seb? Je suis en train de les retirer. Ah ouais? Moi, je suis une personne très très indécise dans la vie. C'est ça que je vois là. Ouais. Ils sont restés une tâche, un an. C'est un an. Hilarant parce que vraiment, il essaye, il essaye, ça part très très mal. Oui, non, ça fait un an qu'il essaye. C'est les adresses de Natou, je précise. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et non, non, bah, si ça part, bon, voilà, c'est long. Hein. Ça met un peu de temps. Ouais. Mais tu les retires pas tous. Tu les retires pas tous. Parce que c'est cher. Mais ça montre mon indécision dans la vie, quoi. C'est-à-dire que je les ai eus un an et j'ai fait bon, allez. Tu les as fait à quel âge? Un an seulement. Ah, ah oui, un an, donc tu les as fait il y a un an. Ah non, j'ai fait sortie de confinement et j'ai commencé à les retirer. Après, il y a eu un long moment de tournage qui fait que j'ai pas après, le tatouage, c'était trop nul le Covid. Donc je comprends que tu as juste écrit ça. C'était mon QR code de mon passe sanitaire. Mais du coup, c'est vrai que. On a demandé à des enfants entre 6 et 11 ans. J'ai pas de tatouage. Non, on en avait parlé il y a deux émissions, oui, c'est pour ça que je t'ai pas relancé, mon petit Adri. Pas du tout, par contre. Si. Il y a deux émissions, on a parlé de tatouage. Deux ou trois, oui, oui, on avait eu un petit truc, oui, oui, oui. On a demandé à des enfants entre 6 et 11 ans à quoi ressemblerait l'avion de vos rêves. Et bah, à votre avis, à quoi ressemble cet avion? Oh bah, des enfants, donc ça doit être n'importe attends, quoi. Attends, on leur a dit ce sont quoi l'avion de vos des rêves? Des avions en bonbons non. Et il y a une fontaine de chocolat. Ben non, ils adorent les enfants. À quoi ressemble avion cet avion? Mais du coup, il y a j'aime plusieurs les enfants, enfants je les plusieurs sur avions sur... Non, non, on leur a tous dit ok, à quoi ressemblerait l'avion de vos rêves. Et après, ils ont recoupé les réponses. Et donc, ils ont dit ok, l'avion parfait pour les enfants, ce serait ça. Alors, c'est pas un truc avec ce qu'il y a dedans. Avec ce qu'il y a dedans et comment il est fait. Alors après, c'est petite pas complètement question. Impossible. Petite c'est pas question. Genre le commandant, c'est Peppa Pig. Comme vois, le chat bus dans Totoro. Alors voilà, c'est pas absurde à ce point. C'est des trucs qui sont jouables. Moi, j'ai une question. Enfin, non, quel intérêt de demander ça à des enfants? Est-ce qu'on en a à foutre sur ils tout leur ils sont pas censés être contre l'aviation. Tu vas voir. Tu n'as pas de pouvoir d'achat, on s'en fout. Peut-être que tu vas être surpris. Demande aux gens qui payent le billet, en fait. Que après, quand tu vois Elon Musk, c'est un peu un grand enfant. Oh oui. Mais oui. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu que c'est anti-écologie, du coup ils ne veulent pas d'avion? Ah non, oh, non, non, mais non, bah non. Non, non, non. Est-ce que c'est un énorme type Boeing ou c'est plutôt un petit truc? Non, c'est un énorme truc. Un Concorde. Voilà. Alors, il y a un truc qui est impossible que je vous dis, mais ça vous donnera. Il va très un... très vite. C'est... Non, alors, non, c'est vraiment ce... en quoi il est... enfin, comment il est fait, les trucs que tu peux trouver dedans. Ouais. Par exemple, il propose une piscine. Oui, c'est oh, ça. Voilà, ça, ouais. C'est pas possible. C'est des enfants de... d'aujourd'hui. Hein, ouais, qui de en a 6 à 11 ans. Ouais, ouais, ouais. Tu dis impossible, tu as jamais vu Pimp My Ride. Il met des piscines dans des enfin, voitures, donc. My plane. Totalement possible. Très peu d'émissions. Ils veulent plein d'iPad et de téléphones pour faire des TikTok. Alors ouais. Non. Ah, non, non. Quel non. cliché sur l'enfance. L'enfance du 21e siècle. Bah oui. Est-ce qu'il y a un parc pour jouer un parc baby? Alors. On est sur les trucs qui sont dans l'avion. Oui, plutôt. C'est que dans l'avion. Okay. Alors, t'étais pas loin. Des consoles, gros. Des consoles. Pas de consoles. Des balançoires. Le sol est en trampoline. Déjà, je peux pas vous dire mieux. Le sol c'est dans l'avion est en. C'est ce qu'ils aimeraient. Bon. C'est super mignon. Bah, voilà. D'où ma question. Quel intérêt de demander à des enfants? Mais bah, voilà votre café. Bon, bah. Non. Il est sur, sur vous. Pas d'animaux. Oh. Non, non. Non mais donc il y a des sol trucs un peu mignons. Non, terrain de basket. Non mais on peut manger les sièges parce qu'ils sont en barbe à papa. Oui, c'est nul. Allez, dors les enfants. C'est surcoté les enfants. Oh non, c'est top. Non, c'est vrai. Mais la tienne est géniale. Est-ce qu'il y a des équipes les équipes sont particulières ou c'est des humains, c'est des genre c'est des petits chiens qui viennent te servir. Ah non non non, non c'est ça. Tout est entre guillemets tout est jouable. Un malade qui voudrait concevoir cet avion pourrait le concevoir. Mais c'est farfelu. C'est un peu farfelu. Bah, seul en trampoline, effectivement. Parce que, voilà. Tout, il y a Netflix et toutes les plateformes. Ah, on a parlé des écrans. Non, il n'y a rien avec les écrans. Il y a beaucoup de musique. Beaucoup de musique à fond. Non, non, non. Les ailes. Il est transparent. Ça bat des ailes. Non, les ailes. Il est transparent, comme ça on peut voir. Ah, c'est joli. Alors, il y a une bonne réponse. Le toit serait transparent pour regarder les étoiles la nuit. Oh, ça, pas mal. Les salopards. Ok, pas mal. Salopards. Malheureusement, le sol en trampoline gâche tout. Surtout que s'il y a des turbulences, vraiment, je pense que tu t'éclates sur le plafond. Le moindre truc. Il y a des pressurisations de la cabine. Des trucs trop bons à la nourriture, non? Alors, il n'y a rien avec la nourriture. Il y a vraiment une phrase d'enfant. Il y a des trucs trop bons à manger. Le petit gourmand. Bah attends, j'ai l'impression que c'est que des trucs très ouais. Enfin, quoi, c'est des enfants quoi. Bah c'est maintenant les enfants. Le personnel. Il y a deux voix pour faciliter la sortie. Et voilà. Est-ce qu'il parle du personnel? Il parle pas du. Alors ouais. Non, il y a un truc avec le PNC. Le non, dans le cockpit. Il y a un mini truc dans le cockpit. Le pilote est un chien. Ah, non. Les séparations avec le cockpit sont aussi transparentes comme ça. Tu peux regarder ce qui se passe. Non, mais t'es pas loin. Il y a un siège à côté du pilote. Voilà. Un siège pour ceux qui ont envie d'aller voir. Ok. Donc voilà. Pas safe. Pas safe. Je monte pas dans cet avion. Pas safe. Non. Effectivement. Effectivement, je pense que du coup les avions ont été détournés alors qu'il y avait pas ça. Donc ouais. Je pense que s'il y a ça, vraiment, c'est attention, compliqué. Attention. Oui, puis vraiment un pilote qui est à bout de nerfs au bout de 15 minutes de vol, c'est jamais. Puis bon, c'est des enfants de 6 à 11 ans. Donc. Oui, c'est ça. Hey, tu fais un looping. C'est quoi ce bilan? Fais un looping. Allez, allez, tu vois cette montagne là? Et tu vas la voir de mieux en mieux. On va faire ça à t'écouter en fait. Regarde bien. À mesure qu'on s'approche, tu vas la voir. Il y avait aussi des lits superposés. Voilà, je vous donne une petite réponse. Pas mal. C'est pas mal. Ah, ça les fait rêver ça. Ah, visiblement. Ah, ouais. Mais comme quoi ça a pas beaucoup évolué l'enfance. Parce que moi c'était déjà les trucs de quand j'étais petit. Genre des lits superposés, ouais, c'était un peu chambé quand t'avais des copains qui venaient. Le lit tout court, c'est déjà un truc de fou. Ah, c'est vrai que t'as grandi dans l'Est. Ah, mais t'as pas grandi. Voilà. En République tchèque. À Noël, il a eu des pierres, donc c'était. Oui, mais je les ai peintes et franchement, c'était vraiment c'était sympa. Ce que vous appelez des Legos. voilà, et il y avait quoi d'autre? Un petit mur d'escalade. Oh alors, Jérôme, bah oui. Ta passion, ta nouvelle passion. Tu fais ça toi en ce moment? Ça fait 3 semaines que j'en ai pas. Laissez-le parler. Explique-nous. Mais moi, ça me donne un peu envie, mais comme tous les trucs qui me font un peu envie, le fait de vivre à Paris me déprime parce que je trouve qu'il y a trop de monde. Faut y aller aux bonnes horaires. Comme la salle de sport. Quoi. C'est Finnegan Oldfield, justement, avec qui on a joué dans Vermin, qui m'a intronisé dans ce monde-là. Et c'est plutôt addictif. Est-ce que tu grimpes comme une araignée, araignée. Bien sûr. Alors là, une araignée à deux bras, quoi. Très nul. Mais lui, il se fait des séances de muscu et derrière, il va à l'escalade. Ah donc, ouais, c'est vraiment donc congestionné. Ouais, voilà, c'est sans doute pour ça que je suis aussi mauvais d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a, pas... est-ce qu'il y a le truc un peu rigolo de trouver le bon endroit où mettre la main? C'est ça qui est fun. Ah, c'est génial. Ouais, c'est d'arriver au bout de la voie que t'as créée. Tu sais, enfin, il y a des codes couleurs. Et donc une fois que t'arrives et ça fait 3-4 mètres, hein, c'est du bloc, hein, c'est pas. Oui. C'est et se pas... jeter dans le vide aussi, c'est pas. Et vrai. Se jeter dans le vide, la nuque la première. et voir ce que ça donne. Est-ce que je suis bien assuré? Est-ce que le mec en bas. Tu vas à Arcos? Exactement. Oh là là, il connaît tout. Mmh. Il y en a un à côté de chez moi qui est hyper bien, il paraît, mais je suis pas allé encore. Près d'où? Près de genre en tout début de show. Ah non, j'y suis pas allé celui-là. Moi, c'est Nation, j'ai fait. Ok. Mais ouais, moi, un jour, je m'y mets. On pourra... Mais franchement, c'est assez. La satisfaction, elle est dingue. Tu sais, quand t'arrives, t'es trop content, t'es. Oh, t'as un sourire et un petit côté jeu vidéo, quoi. Ah, mais de ouf. Ouais. Et celle que les voix que t'arrives pas à prendre, tu sais, quand tu rentres, t'y réfléchis et tu dis putain, je vais retourner la prochaine fois comme un jeu vidéo, quoi. Et je vais réussir la prochaine fois. Tu sais, là, t'es mort. Et tu reviens le lendemain pour y aller, quoi. Mais ça marche toujours pas. Et ainsi de suite. Et là, tu déprimes. Moi, j'ai eu cette addiction une époque avec le laser game. Ah, j'ai ouais. eu un an de laser game. Je vous jure que c'est vrai, beaucoup moins sportif. Mais avec qui? Avec des potes de fac. Ah, génial. Pendant à la fac, je te jure. Mais attends, t'as autant de potes motivés pour y aller comme mais ça? C'est fou. Mais je m'en rends compte maintenant. C'était en Bourgogne, hein, bien sûr. Non, c'était à Seine-et-Marne quand j'étais dans le 7ème mitraillette. Mais la Seine-et-Marne. Quand la Logne. Au lac de Logne. Bien sûr. Et en fait, j'en avais jamais fait avant. J'ai découvert, j'en ai fait à fond pendant un an. Et j'en ai plus jamais refait de ma vie. Mais j'ai eu une année laser game un peu kiffante quand même. Mais je veux bien croire. Kiffant. Ouais, non, mais je veux bien croire que c'était kiffant. Mais c'est vrai que la transition était rude entre l'escalade et tout. Moi, j'ai eu ça. L'acrobranche, moi. L'acrobranche, je rêve d'en refaire. C'est trop bien. Tout court, j'en ai jamais fait. Mais moi, j'ai rien fait, moi. Je suis pas allé à Disney, j'ai pas fait d'acrobranche. Et les deux sont à côté. Il y a de l'acrobranche juste à côté de Disney. Bam, bam. Au Croquettes, bien sûr. Allez, c'est bon, on y va. On a travaillé là-bas avec ensemble. Et t'as une piste noire, je crois, qui est pour les pompiers du 7-7, c'est à la force des bras, essentiellement. Ah ouais. Piste noire d'acrobranche ? Oui. Hilarant, oui. Le principe. Ah, je l'ai tenté, c'est une forêt, en fait. C'est à base de tétanie du muscle, et en fait. Sans filet, vraiment... donc t'as plutôt intérêt à t'accrocher. Avec du feu en dessous. Et ça, c'est que ça m'était arrivé en acrobranche, j'étais vraiment jeune, et donc tu dois tout le temps enlever un mousqueton. Et pas le deuxième, peut-être tu fais un, bloc, t'en as un, toujours un qui t'assure. Si tu enlèves les deux, c'est... Et je me souviens d'être petit et d'avoir les deux dans la main et faire « Oh !» Oh là, je peux mourir à tout moment. Oh mon Dieu. Bah, free solo, mon gars. Free solo. J'ai compris que je pouvais mourir à ce moment-là. C'est à ce moment-là. YouTube est en train de tester une nouveauté. Bien sûr. Savez-vous laquelle ? Nouveauté dans leur... alors pas dans le contenu, mais vraiment dans ce qu'offre la... La plateforme. Ah, je crois que je sais. Ah, bah je connais plusieurs trucs. Alors, je sais qu'il y a un nouveau truc. Ouais, mais ça doit pas être ça. Bah, je sais qu'en gros, là maintenant, une boutique. Quand il y a quelqu'un, alors c'est que sur les vidéos américaines du coup, quand il y a quelqu'un dans sa vidéo qui dit le mot subscribe, le bouton subscribe, il fait il s'illumine. Oh, alors c'est pas ça, mais à mon avis, c'est plus farfelu. Ah non, c'est pas si farfelu là. C'est une sorte de reconnaissance vocale. Ouais, en gros, il y a un truc d'IA, enfin, d'IA, je pense pas en vrai, mais ouais. Le truc est du coup, quand au moment où il dit ça, bam, ça illumine le truc. Pas mal. Incroyable. Mais c'est un truc lié à l'IA ou pas ? Pas du tout. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. On ne parle pas sur ce ton. Arrête, arrête. Ça. C'était quoi cette vidéo YouTube ? Alors arrête. T'arrête. Non. Alors on danse. Arrête. Alors on danse. C'était non, c'était ça, le rappeur là. Le petit là. Alors arrête. C'était alors pas arrête. Bilal du 92 ou un truc comme ça. Arrête. Arrête. Alors arrête. Avec la bite de ton petit frère qui est. Elle est, elle est petite. Elle est petite. Ridée. Ouais. Elle a des rides. Oui. Ça c'était le web ça. C'était à l'époque de la forme GRM ça. Donc oui, non, c'est une nouveauté quand vous allez sur YouTube. Est-ce que c'est un truc business, genre ou... pas vraiment, enfin, mais c'est on est pas on... pour gagner de l'argent ou... Ah non, c'est pas non. Ça. Non, est-ce non, que non. C'est côté c'est du pour... pardon, améliorer le divertissement de la plateforme. Bah quoi. Pas vraiment. C'est algorithmique. C'est un peu un truc d'algorithme, ouais. Est-ce que c'est côté utilisateur ou côté créateur C'est l'utilisateur qui le voit. Ok. Mais est-ce que c'est un truc c'est activé pour tout le monde comme ça ou là c'est en bêta côté créateur tu... Ils testent et pour le moment les gens détestent. Ouais. Voilà, okay. Pour vous dire. Voilà. Est-ce que c'est un... alors attends. C'est quelque chose qui existe déjà sur une autre plateforme Ah peut-être, je ne sais pas. Je crois pas. Ils... J'ai pas l'impression. Sans doute sur les plateformes de porno parce que ils sont toujours en avance sur la vidéo par rapport à. C'est vrai. Des vignettes où on ouvre la bouche, c'était beaucoup sur les. Des vignettes où on ouvre la bouche. Les ah oui, pardon. j'ai fait une blague sexuelle, ça va, ça va. Non mais elle était bien. T'espionnes la journée pour te donner des vidéos, te conseiller des vidéos en accord avec ta journée. Ça c'est dingue. Des fois tu parles d'un truc, tu vas sur YouTube. Mmh. Hop, hop là, hop là comme par hasard. Partout. Comme moi j'ai mis un scotch sur ma caméra. Hein, bah, bien joué. C'est porno, pour aller non, je l'enlève quand je vais sur des sites porno. Et tu la regardes droit dans les yeux. Alors, y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est la nature, ok. Est-ce que c'est pas un truc de genre tu peux changer la langue et avec non. Bah, tu m'as dit que c'était pas lié. Wow. Non, mais ça c'est la vie. Le français. Très tu vas sur MrBeast maintenant, c'est en français. Oui, mais MrBeast c'est genre c'est doublé. Ah oui, genre là, dans les années à venir, il y aura l'option de tu choisis la langue et ça change la bouche, ça change tout quoi. Comme ils ont fait en avec alors. Joko. Il ouais. Y a un truc de tu peux voir les moments les mais ça existe déjà ça mais les moments où les plus regardés ou les plus appréciés. Ah oui non ça existe déjà. Ouais. Oui tu vois les pics de ce que regardent les gens. Ouais ouais. Non mais ça change le visionnage de la vidéo. En tant que tel non mais apparemment ça perturbe l'œil. Voilà. Ah donc c'est pendant la lecture de la vidéo. Il y a des trucs qui apparaissent, c'est en continu ou c'est... Il y a un truc en continu, très bonne question. Les pubs, les pubs en dessous qui défilent. Est-ce que c'est les vignettes de recommandations sur le côté, elles sont animées ? Non. Et du coup ça perturbe. Horrible. Un peu comme les gifs sur les sites de cul. Et ce serait genre pour toutes les vidéos ou c'est le créateur qui décide... Pour le moment ce serait toutes les vidéos. Ok. Et c'est sur la vidéo elle-même ? Non, c'est en dessous. C'est en dessous ? Ils te mettent des recos en fonction du sujet ou... Non, pas des recos. Donc ça bouge quoi. C'est un truc le qui titre, bouge. Est-ce que... Non, pas le titre. Les commentaires s'actualisent en temps réel et du coup. Je vais te l'offrir. C'est quasiment ça. C'est quoi, c'est comme j'ai pas besoin de ta pitié en fait. C'est vrai. Mais je te vois pas bien, j'ai envie de te donner un truc. C'est le nombre de vues et de likes en temps réel. Ah oui, okay. Oui, c'est Twitch. Parce que, voilà, mais et du coup ça, oui, ça attire l'œil. Ça attire l'œil parce que ça arrête pas de changer, ça arrête pas d'augmenter, d'augmenter. Ils sont vraiment c'est la pire chose qui soit arrivée ces derniers mois, je pense. Dans l'actu générale. Ouais, et les gens détestent parce que ça perturbe l'œil. En dessous d'une vidéo, le compteur grimpe tout le temps, quoi. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt pour les gens. Est-ce que vous êtes encore des gros consommateurs de YouTube? Non. Pas trop, moi. C'est Insta et TikTok qui a remplacé ou... Ouais, j'y vais pour des vidéos plus longues, mais une fois par semaine, quoi. Grand max, je pense. Ah, donc t'as vraiment pris le pli de ce qui est devenu la consommation de pas mal de gens, d'ailleurs. C'est que YouTube, maintenant, les créateurs font des vidéos vraiment longues. Ouais. Et donc tu vas pour voir des trucs longs. Ouais, exactement. Ouais. T'as ça aussi. Ouais, ouais. Tu regardes quel genre de contenu, toi? Les vidéos, ouais, de 1h, 1h20, des trucs bien développés. Genre des documentaires, enfin des trucs un peu... Ouais, et plus c'est sur des sujets vraiment où ça va chercher le micro-détail, plus je trouve ça fascinant, parce qu'en fait, ça me berce, ça, tu vois. Ouais, sinon, je regarde un film, et là, il faut que je reste concentré. Ouais. Mais si je veux un peu vaguer dans mes pensées, je trouve que c'est pas mal. Ouais, moi, j'aime bien les vidéos de Geekos aussi. Mais tu vois, les vidéos de divertissement, de longues, moi, j'arrive pas. Souvent, l'imposteur de Squeezie ou des trucs comme ça. Ah ouais, moi ça, non plus. Le dernier, j'arrête. Je fais, là, il y en a un de trop. Enfin, genre, parce que. Justement, je vais sur YouTube pour ça. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça qui est intéressant. Pour faire le dupe et tout, genre, mais sinon, je regarde pas trop de trucs autres que ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je sais que j'ai un truc, je vais pas au bout. Fit and Fun, c'est sûr et certain, moi, je vais pas au bout. Ouais, c'est ça. Quand ça hurle trop, ça arrive, c'est trop volontairement. Tu vois, Pas un sujet cinéma, musique ou quoi, ou tiens, j'en sais rien, ou même certaines vidéos il y avait Seb aussi, La Frite, là, tu vois, ou Le Règlement. Il y avait une vidéo qu'il a fait sur Red Hot Chili Peppers, qui est absolument incroyable. Ouais, je suis d'accord. Et ça, elle fait 45 minutes, 50 minutes, c'était juste trop bien, t'entends le truc. Et tu vois, c'est vraiment, tu dis putain, le gars, il s'est fait chier. C'est pas juste, tiens, on va jouer à ça aujourd'hui, quoi. Tu dis putain, il y a quand même, c'est quand même stylé, quoi. Les histoires, gros comme taf. Voilà, des gens qui racontent des histoires, c'est j'aime bien. Toi, tu mettais tes courts-métrages sur YouTube, Seb? Les derniers qu'on a fait avec Jérôme, moi, sur. On a fait une chaîne qui s'appelle Lourd-Métrage. Et oui, parce que sorti de confinement, quand j'ai rencontré Jérôme pour faire des films, il y avait un truc de pas aller en festival, de pas se faire chier à faire tout le process normal pour se faire connaître et tout. C'était juste le mettre sur internet et voir ce que les gens en pensent, justement, essayer de sortir du circuit habituel. Et oui, juste pour préciser aux gens, parce que quand tu vas en festival, tu n'as pas le droit de mettre ton court-métrage sur YouTube. Ouais. Enfin, les festivals souvent demandent la primeur. Enfin voilà, faut d'abord. Donc c'est adressé à une espèce de pseudo élite de cinéma qui va se les mater à Clermont-Ferrand ou je sais pas où. Ouais. S'ils le sélectionnent. Ouais. Très réduit, enfin un public hyper réduit. Carrément. Et qu'on mate beaucoup. Enfin du coup la compétition entre guillemets est plus rude. Enfin voilà, c'est une façon de faire. Je me suis rendu compte sur le tard que c'était vraiment tout l'opposé des films que je voulais faire, qui étaient justement beaucoup plus pour le public. Et du coup c'est vrai que quand on a fait des trucs avec Jérôme, on s'est dit on le poste et on met le pitch le plus court possible, vraiment on le poste, on fait pas de promo ni rien, boum, on le met et on passe au suivant. Ceci étant, c'est dans un festival que t'as rencontré Harry Torgeman qui a produit. Ouais, mais au téléphone portable, le truc de une minute. Non, mais comme quoi, tout est. Enfin, c'est marrant. Un petit truc. Harry, c'est au téléphone. Ouais. C'était le concept du cours. Avec les gars de Bref, en fait, ils étaient jurés il y a quelques années, Et après, il a suivi un petit peu ce que je faisais. Et du coup, c'est avec les courts-métrages avec Jérôme qu'il a remis une pièce dans la machine pour me dire est-ce que t'as pas des pitchs de long? Je suis arrivé avec le pitch de Vermine. Avec Vermine. Ouais. Mais c'est marrant, qu'il y a quand même un endroit, on dit que la fiction, ça n'existe plus trop sur YouTube, et c'est vrai, enfin, je veux dire, en tout cas, ça a plus autant de succès qu'avant. Ah, clairement. Mais il y a quand même toujours des profils qui. C'est juste, ça a mis peut-être un peu de temps, mais aux États-Unis, les gars de Talk To Me, pareil, qui ont fait le film Talk To Me d'A24, c'est des gars de YouTube, c'est des gars qui faisaient des vidéos, des courts-métrages. Mais après, il y a un truc, il y a un vrai taf de promo ou quoi, parce que j'ai beau faire des trucs avec Jérôme, il les publie même sur son Insta, etc. Enfin, tu vois, on n'a pas dépassé non plus. C'est cumulé. Parce que nous on les mettait sur Insta aussi pour que les gens puissent les voir comme ça en scrollant et sur YouTube en simultané, mais on n'a pas s'il y a peut-être pas bougé qu'à taper cumuler son million parce que ça parle vraiment de l'abandon et on l'a sorti au moment où il y a le plus d'animaux qui sont abandonnés en France, tu vois, mais sinon ça reste assez discret, quoi. Mais parce que c'est comme dit, c'est la fiction de toute façon sur YouTube est plus trop l'endroit, quoi. Donc déjà nous qui faisions de la comédie, qui est quand même le genre le plus représenté partout. Ouais, don internet. Vous avez été Golden Moustache Bagel, c'était l'âge d'or, je pense. Ouais, ouais. Bah complètement. C'était une anomalie, quoi. On a eu de la chance. C'était vraiment une fenêtre de tir très courte. Mmh. Où... Mais c'est vrai que comme tu dis, que ce soit sur la vermine ou les gars de Talk to Me. Si ça laisse ne serait-ce qu'une opportunité pour ensuite aller vers d'autres, c'est trop bien. Ça c'est fou. Ça reste un endroit. Enfin voilà, là on a. Enfin, été ça existe encore effectivement de faire de la fiction, pardon, et de pouvoir déboucher sur des choses beaucoup plus ambitieuses, tu vois. Moi, c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est quand j'ai commencé mes courts-métrages, donc bien avant Golden, etc., qui étaient des petits sketchs pas ouf. Je faisais aucune vue, mais parmi ces vues, il y avait David Mourier. Voilà. Et c'est ce qui fait que derrière, alors que c'est de la chance pure. Mais j'ai pas fait beaucoup de vues, mais j'ai fait les bonnes vues, disons. Ouais, puisque ça a été vu par quelqu'un qui, derrière, m'a donné ma chance. Donc, comme quoi. C'est des petites graines comme ça. C'est ça. De toute façon, il n'y a rien qui sert jamais vraiment à rien. Exactement. Même les trucs qui sont vus par personne, machin, potentiellement, t'as rencontré un gars ou une meuf qui fait que derrière. Exactement. Enfin, c'est. Voilà, rien n'est jamais gratos. On est devenu un petit podcast de développement personnel pendant 5 minutes. C'est bien, mais voilà, il faut le dire. C'est au final le seul conseil que je donne quand tu sais, tu fais des avant-premières ou tu vas en festival et qu'on te demande comment on fait pour finir par faire un film, surtout quand on fait un peu de genre ou des trucs qui sont pas des juste pure comédie. C'est faire, exactement. Tu fais faire et faire de son mieux aussi, tout le temps. Ouais, quoi. Tout le temps. Même si tu te dis, tu pourrais croire que c'est pas important et tout, faut toujours faire de son mieux parce que même si tu te dis, je vais faire 3 vues avec ce truc, bah comme tu dis, une des 3 vues, ça va peut-être être quelqu'un qui va faire. Même si c'est que le montrer à ta famille, moi au départ, c'était ça. Hein, j'ai fait vraiment, je pense, 80% de court-métrage, je suis le seul à les avoir vus. Mais j'ai fait le montage, j'ai fait le travail du son, j'ai fait le truc, et moi je me suis exercé en tout cas. Ça. Et en plus, c'est ce que tu dois aux gens qui le font avec toi. C'est-à-dire que ça doit être le mieux possible, ne serait-ce que pour les gens qui sont souvent gratos quand tu commences, pour dire que soyez quand même fiers de ce qu'on a fait, quoi, que ce soit pas de la pure merde. Oui, mais ce qui était cool, c'était le tournage. Au final, le résultat final, limite, mes potes le regardaient même pas. C'est ça. Ce qui kiffait, c'était de le tourner. On va se faire chier dimanche, tout est fermé, allons faire un cours avec Seb. Bien sûr. Et là, regardez, on s'oriente tout doucement. Une sexagénaire a trouvé une araignée dans le fond de son oreille. Bah voilà, on commence tout doucement. Sachez que les araignées représentent 14 à 18% des corps étrangers qui se logent dans nos oreilles. Hop. Ce qui est énorme tout de même. C'est quoi le reste? Jamais rien dans les oreilles. Des vis et des serpents. Des vis, mourir. Il a adoré. Savez-vous pourquoi elles vont dans l'oreille comme ça? Bah, il fait chaud. Oui, il fait chaud, il y a de la cire. Oui. Elles l'utilisent pour faire des bougies. L'humidité aussi. Alors, vous êtes. Très précis, alors que c'est un peu plus large. Oui, en fait, c'est un peu toutes vos réponses. C'est bon délire. Je sais pas. Elles pensent être chez elles dans leur petit. Exactement. Voilà. Elles pensent que c'est un terrier. Terrier. Tout simplement. Oh, terrier. Trop mignon. Bah oui, au final. Oui. David Terrier, oui, bien sûr. Non. Lors d'un examen pour la sexagénaire, là, les médecins ont découvert une petite araignée et son exosquelette. Donc son exosquelette, ça mue, quoi. Elle a mué. Voilà, c'est ça. Coincée dans le conduit auditif de la patiente. Pour extraire l'intrus, les médecins de cette clinique spécialisée en otorhino-laryngologie. Laryngologie. Oui. ORL. Ouais, voilà. On a utilisé un tube d'aspiration pour retirer la petite araignée et sa coquille de mue. La patiente n'a pas eu mal et n'aura aucune séquelle. C'est un peu mignon et un peu dégueu. Mais ils c'est en ont fait quoi? Ils l'ont gardée, la petite araignée? Écoute, elle vit dans le Vercors maintenant. Elle a une maison, elle a une baraque. On l'a vu sauter. Elle l'a adoptée, la dame. Une super chaîne YouTube. Toi, Sophia, tu as tourné donc dans Vermine avec des vraies araignées, mais tu étais arachnophobe à la base. Mais c'était ridicule. Hein. C'était genre, tu sais, je peux traverser alors qu'il y a des voitures. Vraiment, je me mets dans des états pas possibles. C'est lié à quelque chose ou juste tu avais peur d'araignées? Mais en vrai, je ne sais pas. Et c'est justement pour ça que j'ai kiffé faire ce film. Je t'imagine. Je peux traverser alors qu'il y a des voitures. Attention, il y a des voitures. Mais il y a une araignée sur le trottoir. Non, mais il y a quand même des voitures à côté du périph. Mais c'est vraiment ridicule. Genre, vraiment, c'est chaud. Ne traverse pas! Mais toi, tu as cette araignée! Elle est vraiment pas si grande! Mais non! Mais elle traverse mon oreille! Non, c'est vraiment. J'ai c'est deux terriers! Elle va se loger! Équivalent comme de dans son petit terrier muet! Oui, deux terriers! Bref, oui, je sais pas d'où ça vient. Je sais que j'ai vu un film quand j'étais petite, c'était Les Frères Grimm. Bien sûr! Et il y avait une scène, je l'ai peut-être vue un peu trop petite. Il y a une scène où t'as la petite qui descend comme ça. Ouais, elle va voir les chevaux qui font du bruit et tout. Elle s'approche d'un cheval et en fait il ouvre la gueule et c'est blindé d'araignées. Il jette, il projette une toile d'araignée, il avale la petite. Ça me fait vraiment penser à la spectatrice de 6 ans qui est venue voir Vermine ce week-end. Il y a une petite fille de 6 ans. Ah oui, t'as pas dit. Très drôle. Sachant que c'est le père. C'est interdit au moins de 12 ans. Le film est interdit au moins de 12 ans. dommage. Mais c'est le père, il était en détente masse. Et c'est Jérôme qui voit ça dans la salle quand on est en train de remonter après avoir présenté le film. Donc je lui ai dit, ouais, je lui ai dit t'as quel âge et tout. Et elle me sourit, elle fait 6 ans. Et le père, c'était une sorte de PNJ qui bougeait pas du tout. Il me regardait pas, c'était trop bizarre. Et je fais, bah, bon film. En fait, moi, ça m'a un peu amusé. Et en fait, bien évidemment, la réalité est tout autre. Puisque j'avais des potes qui étaient dans la salle. Et ils m'ont dit, je leur ai dit alors. Et ils m'ont dit, ça a été la chialade tout le temps. En disant à son père, papa, je vais faire des cauchemars. Le père daron, il disait rien. Voilà, un PNJ, ouais, bon. Regardait le film. Non, et en vrai, ils sont barrés. On est sur une maltraitance. Moitié du film, ils sont barrés. Ah, quand même. Okay. En vrai, c'est de la maltraitance. Bah, c'est le père qui dit rien. Tout le monde sait que les films d'horreur traumatisants, c'est dans son coin, quand les parents sont pas là et on les regarde nous. C'est ça, les belles expériences. Là, quand c'est ton père, ça me fait penser à mon père qui m'a forcé à faire Space Mountain parce qu'on avait fait la queue où j'étais là. Et on a attendu 2 heures. Mais oui, mais papa, j'ai peur. Moi aussi, ça a été ça, ma première fois au Space Mountain. Trop drôle. J'ai travaillé longtemps à Disney, j'ai vraiment comme toi. C'est que j'ai vraiment vu ça devant moi. Ça a vraiment été ça, des milliards de fois. Ah ouais, t'en as vu des milliards, des enfants qui vraiment ont au moment un du an manège. Et demi et les parents qui sont et qui les forcent. Tu vois le manège arriver, donc t'as les gens, ils sont secoués, les trucs s'ouvrent. Le harnais, quand t'es petit, c'est méga impressionnant. Moi, je le vois maintenant, j'emmène ma fille au cinéma. Mais tu te rends compte que tout est impressionnant, les lumières qui s'éteignent, le fait qu'il y a du bruit au début et d'un coup, ça devient silencieux. C'est impressionnant. Donc un grand 8, évidemment, quand t'arrives et que tu vois des gens de 40 ans décontenancés. T'as une meuf de 30 ans qui pleure un peu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'as 4 ans et tu dois monter. Et t'as ton père qui fait, écoute, hein, 80 balles l'entrée de Disney. Donc on va faire tous les manèges. Ouais. Papa, je suis fatigué. On sera jusqu'à la fermeture. Et un gars de la carrure de Seb qu'on a marre de ses journées parce que Seb a bossé chez Disney. Oui, c'est ça. Comme ça, qui t'attache, qui fait. Le non, gros garçon fait... avec les yeux bleus, il me fait peur. Au physique de rugbyman. Attendez, des heures et des heures de file d'attente avec des enfants excités. Bien sûr qu'ils sont comme morts, les parents là-bas. Sûr qu'ils disent quoi qu'il arrive. C'est l'expérience qu'il faut. Donc, vous giflez mon gosse devant mes yeux, je ferai le manège. Quoi qu'il arrive. Et toi, tu t'en souviens de Space Mountain? Toi, t'as hurlé et tout quand c'est. Ouais, c'est pas Space Mountain, je me rends compte que c'était le Rock'n'Roller Coaster, je crois, avec Aerosmith, parce que tu voyais le départ. Et une fois que ça a démarré, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, j'ai kiffé. Et en fait, c'est là où, en plus, c'est horrible parce que du coup, c'est comme tous les grands vides, c'est ta peur. Et puis tu le fais et pendant tu non, peux, moi, tu peux le, kiffer. Le train de la mine, ça me terrifiait quand j'étais petit. Oh, parce qu'en fait, t'as pas idée de ce qui se passe dedans. Moi, je croyais que ça montait tout en haut de la montagne alors qu'il n'y a pas de rail. Mais ça me terrifiait. J'ai mis du temps à le faire. Et moi, mon père m'a dit il va sous l'eau. Et ça m'avait été fait. Tout le train, il va sous l'eau. Retiens bien, t'as un c'était genre, attends quoi? Je te dirai à quel moment. Il va sous le lac. Je fais, mais n'importe quoi. Parce que mon père, son running gag était de me terroriser à chaque fois. Apparemment. Et bon, voilà. Mais au final, je kiffais. Et donc à la fin, c'était genre, bah tu vois. Genre oui mais bon c'est une méthode d'éducation qui n'a pas dépassé 2004 enfin bon bref donc oui les araignées et du coup comment t'as battu ta phobie parce que t'as quand même tourné avec des vraies araignées dans le film. Oui non mais en fait c'est ça, c'est surtout que on a parlé du propos du film longuement avec Sébastien, le délit de sale gueule machin, et en fait moi j'adore tous les insectes, j'aime les cafards, j'aime les vers, j'aime tout ça, les mille pattes, et je comprenais pas en fait d'où venait ma peur des araignées. Je comprenais pas d'où ça venait, et en fait en parlant avec Sébastien, en travaillant avec des araignées, en les voyant au quotidien, en discutant beaucoup aussi avec Karim qui était le dresseur d'araignées sur le tournage, j'ai vraiment eu une approche des araignées complètement différente. Et ça m'a, enfin ouais, je me suis vraiment rendu compte que c'était des petites choses toutes fragiles qui en fait flippaient plus que toi. Et qui vraiment, on a travaillé avec elles quoi 6 semaines et il n'y a jamais rien eu, elles m'ont jamais rien fait. En essayant de comprendre ta peur, t'as plus eu peur en fait. Exactement, exactement. Et j'ai pu en prendre une quand même qui est de la taille de ma main, et j'ai pu en prendre une quand on était au Maroc, et je crois que ça m'a complètement guéri. Oui, parce qu'il faut dire que le film, c'est pas des migales de série B et tout, non, c'est des petites araignées, ça ressemble à. Alors, c'est pas ça dans le film, mais ça ressemble à des faucheuses. La tégénaire en fait. Ouais. Moi, je voulais une araignée qu'on connaît un petit peu et à laquelle. Qu'on peut reconnaître en Europe en tout cas. C'est ça, c'est ça. Et là, c'est plutôt le nombre qui est flippant dans le film. Après, c'est plutôt le nombre, mais après, j'ai parlé à pas mal d'arachnophobes et sous pour chercher justement la bonne forme, la bonne shape, tu sais, parce qu'on les a un tout petit peu retravaillés aussi comme on pouvait. Et c'est vrai que ce qui revenait, c'était les pattes en fait. Moi, je voulais beaucoup bosser avec les pattes qui passaient à des endroits où on voit juste la patte, pas le corps. Et donc, du coup, l'Hétéropoda maxima qu'on a choisi, c'est vrai qu'elle a plutôt des grandes pattes assez costauds. Et ouais, on voulait aussi s'éloigner de la série B et un peu dépoussiérer le genre de l'araignée qui a un peu connoté nanar et compagnie. Bah ça, c'est, on n'arrêtait pas de parler de ça, nous, l'écriture. On était, ça, que, ouais. On était que en boucle sur faut pas que ça fasse. Et en même temps, pas frustrer les spectateurs non plus. Non, respecter les codes, ouais, etc. Mais les dépoussiérer, ouais, complètement. Ouais, c'était l'idée. Ouais. Sachant que c'est dans la bande-annonce, je crois, le plan. Les araignées, des fois, t'en fais des trucs de ouf, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a le plan où quand elle sort sa patte, là, de la, même quand elle sort de la boîte de Nike. On a une chance. C'est complètement dingue, quoi. Des fois, ils nous offraient des sacrés plans, quoi. Mais parce que c'est pas juste une volonté de ta part artistique, c'est aussi une question de budget. C'est, tu pouvais pas faire que des araignées en 3D. Donc, attends, ce plan-là, c'est une vraie araignée ? C'est des vrais, ouais. Wow. Les gros plans comme ça, ouais, c'est des vrais. Le premier plan de cette araignée pour la faire tourner plus. Pardon ? On a le nom de cette araignée pour qu'elle tourne plus. Non, mais là, elle est partie aux States. Une araignée comme ça. Très, très vite est repérée. Elle est dans le prochain Denzel Washington. Sylvain. Non, on a eu on en a eu quoi, 200, 250, donc c'est vrai que. Wow. Et puis après, c'est une fois que tu la comprends, on a fait en sorte de vraiment super bien les traiter. Parce que ça fait partie aussi des propos du film, la protection animale. Et du coup, à partir de ce moment-là, je sais pas, il y a peut-être presque un rendu, quoi. C'est-à-dire que des fois nous donner des trucs tellement extraordinaires, je me disais c'est pas c'est trop bizarre, c'est pas possible. J'arrive pas à savoir, pour l'avoir écrit avec toi et tout, et si forcément mon appréciation du film est pas la même, j'ai l'impression que ça joue de ouf pour le film qu'il y ait des vraies araignées. Enfin, j'ai l'impression que du coup le fait qu'il y a pas de, tu sens encore moins les effets spéciaux quand ils arrivent. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment chouette autour de ça, où les bestioles font vrai, parce qu'elles le font pour la plupart. Ouais. Et du coup, je trouve que ça marche vraiment bien. Après, c'est mieux que personne, mais c'est notre attachement au personnage, parce qu'on voit le film à travers leurs yeux, et à partir du moment où les personnages réagissaient comme le spectateur aimerait que ça réagisse, tu vois, et qu'on peut vraiment s'identifier à moi, je ferais ça, et ils le font, c'est toujours ultra satisfaisant. Et du coup, après, ouais, effectivement, quand on passe au mode effets spéciaux, on reste. Mais il y a eu un taf de ouf, hein, d'ailleurs, ça, c'est, faut pas faire les Christopher Nolan de nous on fait tout en vrai, les effets spéciaux pas, c'est nul. Non, t'as bossé de malade avec MacGuff. MacGuff, ouais. Pour les gens qui savent pas, sont des mecs qui font beaucoup d'effets spéciaux de très grande qualité. Ouais. Et c'est vrai que ils ont eu à cœur de faire le plus gros taf possible avec l'enveloppe qu'on avait, et ils ont fait plus que ce qu'ils devaient faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus à l'image que ce que le budget permettait. Mais par amour pour le projet et par envie de faire ce type de film en France, quoi. Donc la propale leur a plu et ils y sont allés à fond, quoi. Et c'est un truc qu'on dit beaucoup, mais je le dis là, c'est un film fun, quoi. C'est un film d'horreur. On parlait de roller coaster, on parlait de Space Mountain. On y revient. C'est... Non, mais il y a un peu un côté roller coaster. En tout cas, quand on l'a écrit, c'est comme ça. La réal, c'est ça. J'ai l'impression que tout, c'est comme ça. Toi, Jérôme, t'étais dessus depuis le début, parce que vous avez effectivement fait des courts-métrages avec Seb. Mm-hmm. T'as été vachement impliqué aussi, même dans l'écriture. Après, vous m'aviez écrit un rôle. C'est vrai. On l'a écrit pour toi. Au cordeau. de toute façon, oui. Moi, j'y ai cru dès le départ. Sur le pitch. En tout cas, j'avais trop envie de le voir, tu vois. Donc, j'espérais trop que vous signiez ce projet, quoi. Donc, quand c'est arrivé, c'était pour moi du pur bonheur que de jouer là-dedans, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que moi, c'est grâce à Jérôme que j'ai écrit dessus avec Sébastien. C'est parce que c'est Jérôme qui a fait la rencontre. Parce que c'est vrai que moi, je fais plutôt des trucs comiques, mais je connais quand même ton goût pour ce genre de conneries, parce que. Vraiment, oh là, il est bourré. C'est la première fois que je parle comme ça en buvant de l'eau, quoi. Très bizarre. Oui, mais toi aussi, je connaissais pas ton amour pour ces conneries, comme tu dis. Enfin, c'est grâce à David qu'on s'est rencontrés. Bien sûr. Et, pareil, quoi. Ouais, il y a eu un truc. Non, ce que je disais à Jérôme, c'était. Tonton David, hein, d'ailleurs. Oui. C'est ton... David. R.I.P. David Fontao. Moi, c'était ton approche des personnages, justement. Ouais. Vraiment, c'était ça qui me manquait. Moi, je sais que c'est ma plus grosse faiblesse en écriture, et il fallait juste vraiment le binôme parfait pour monter ce projet, quoi. Et ça, c'est les acteurs aussi. Vous avez quand même aussi beaucoup. Moi, je me souviens de lecture où vous avez apporté. Ouais. Lila, son personnage était moins intéressant au début. On en a beaucoup parlé. On a bossé le personnage. La dernière fois, je me disais, j'aimrais bien relire la V1. Quoi. Ouais, la V1 était plus une série B. On l'a un peu dépoussiéré. Parce qu'on l'a écrit très vite, il faut dire. On l'a écrit en moins d'un an, le film. Mais la V1, 2 mois. On a fait un truc de l'affronter très vite au regard des gens, ce qui est très dur pour l'ego, mais ce qui permet d'aller très vite. C'est que tu vois tout de suite les faiblesses qui marchent, Et puis on n'est pas attaché à chaque détail du scénar. Au moins, dès qu'il y a des retours, on fait oui. En fait, c'est deux façons de faire. Il y a des scénaristes qui ont besoin de passer beaucoup de temps. Mais tu leur fais un retour, ils peuvent très mal le prendre. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur le truc. Ils ont beaucoup réfléchi dessus. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas le temps, parce que c'était un projet qui allait avec l'énergie du projet. Et donc, du coup, les lectures ont beaucoup apporté. Et on l'a fait avec Léa. avec Lila, avec Sophia pour le personnage de Lila, avec Jérôme pour Mathis, un peu avec tous quoi. Et donc, oui, et c'est donc vrai que cool. Sophia détestait son perso même. Ah oui, moi j'ai demandé à tout réécrire. Hein, sinon, je vais dire, ouais. Non mais tu l'aimais pas trop. Tu te rappelles, il y avait trois réactions qui te saoulaient. En fait, c'est juste qu'elle me ressemble pas, Lila. Elle me ressemble pas du tout, mais c'est cool de jouer des personnages qui te ressemblent pas, mais c'est dur d'apprendre à les aimer, à les comprendre, à comprendre leurs réactions. Chacun fait d'un pas vers ce personnage au final. Et ouais, c'est ça. Il y a plein de choses, elle me ressemblait pas, et d'ailleurs ça m'étonne que j'ai été choisie, voilà. non mais on a beaucoup discuté, beaucoup travaillé, on a réécrit pas mal, il y a des scènes, j'ai pas envie de spoiler, mais oui, il y a des scènes, des longues scènes qui ont été quand même réécrites dans les dialogues. On répète, tout, les répètes. Oui, et puis même sur le terrain. Sur le terrain. Enfin, il y a trois, enfin, j'apprends rien à personne, il y a trois écritures, quoi. T'as scénar, tournage, et puis montage, et t'as un film à la fin qui est vraiment différent de ce que t'avais en tête de base. Hein. Ouais. Parfait. J'ai une dernière question pour vous. Après, on passera aux recommandations culturelles. Savez-vous de quoi est capable l'araignée banane? Oui. Oui. Je dirais pas. Alors, est-ce que Jérôme et Adrien l'ont? L'araignée banane. Elle saute d'un arbre à un autre. Elle ne sait plus. Je sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec son nom ou pas? Pas vraiment, mais si t'es un beau. C'est farfelu, si je peux me permettre. Si t'es un beau, donc c'est avec sa bite. On s'approche. C'est pas avec la bite de l'araignée. Elle. La bite de l'araignée qui était le premier titre de Vermine. C'est avec son corps entier. C'est pas avec son corps entier. Elle suce très bien. Elle branle avec ses bites. L'araignée banane suce très bien. Non, c'est très bonne réponse. C'est bonne réponse à de Jérôme. La forme, j'ai la meilleure suceuse de toute la jungle. Non, attends, tu dis si t'es un beauf, c'est un rapport. Non, oui, un peu, bah oui. En tout cas, on est dans le floodcast. Ouais. Elle se fabrique un slip? Non. En toile? Elle fait un slip? Un petit slip? Faut faire 8 trous. Elle est coquette. Elle est pudique. C'est sexuel? C'est sexuel. Elle peut changer de sexe? Non. Elle a 1000 partenaires? Non, elle n'a pas 1000 partenaires. Non, mais ça concerne pas l'araignée. Oui, c'est concerne... ça. C'est ce ça qu'elle... concerne la c'est personne. Ce ah, quand elle te pique, t'as la gaule pendant. Ah ouais. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. L'araignée banane ou Phoneutria nigriventer. Ça existe, il y en a en France, ça, par exemple? J'ai travaillé à Super U. Je réceptionnais les trucs des camions. On réceptionnait des caisses de bananes. Dans une caisse de bananes, il y avait une araignée banane. Et d'ailleurs, je crois qu'il on faut pas les tuer. On n'a pas fermé le Super U. Pas les tuer et tout ça, mais par contre il faut appeler des spécialistes qui viennent équiper. Et ils l'ont tout pas pour fait, venir. Elle s'est planquée, ils l'ont pas fait. Noisy-le-Grand, les Richardet. Voilà, je balance. Alors, ça donnait naissance à Vermine. Ouais. Bah, qu'a tourné à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, au Richardet. Ouais, super. Le venin de l'araignée banane est très dangereux pour provoquer des douleurs effroyables, mais le plus étonnant réside dans le fait que son venin engendre chez ses victimes des érections si fortes et douloureuses qu'elles peuvent durer jusqu'à 6 bonnes heures. 6 bonnes heures de Gaulle. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal. Ouais, bien sûr. J'ai pas compris. Mais... Et non, j'en ai une dernière encore. J'ai cru que c'était la dernière. Chez de nombreuses espèces d'araignées, l'acte de reproduction se termine souvent tragiquement pour le mâle, puisque celles-ci sont fait dévorer par la femelle, comme les hommes. Hein. Face à ce dilemme entre survie et reproduction. C'est ton podcast sur la virilité. Face à ce dilemme entre survie et reproduction, le mâle adopte des stratégies consistant par exemple à s'enfuir à toute allure. Ce n'est pas une stratégie, mais voilà. Ou encore à enrouler la femelle dans sa toile. Ça m'a fait un peu marrer. Mais que font du coup les femelles pour pallier à ce problème? Parce qu'elles sont là, elles viennent de Ken, elles disent bah j'ai faim, je veux manger mon partenaire. Elles se font un petit sandwich. Non. Le mâle lui fait. Non mais ça veut dire, attends, je comprends pas. Elles savent que le mâle va se défendre, donc du coup elles ont développé une petite parade. Est-ce qu'elles ont un vagin qui emprisonne, du coup il peut pas bouger? Non, comme un petit pied, les trucs où on met les deux doigts là dans les. Non, c'est pas ça. Bah non, c'est. Non mais attends, c'est pas normalement elle séduit le mâle puis en fait elle l'entoure tout doucement et je crois qu'elle pas alors, qu'elle l'étouffe, peut-être chez eux. Là en l'occurrence c'est vrai que j'ai pas précisé. À mon avis l'espèce d'araignée c'est les Aterigena aculeata. Ah bah oui, bah du coup non, pas du tout. Mais à mon avis c'est il a bossé. C'est plus farfelu que ça à mon avis. La réponse à mon avis. C'est un peu plus farfelu que ça, enfin farfelu, j'en sais rien, mais c'est un peu plus, oui. Donc en gros, c'est pour l'empêcher de partir, elle sait qu'il va partir. Déployer ses stratagèmes. Pas vrai. Oui, voilà, pas l'empêcher de partir, mais pour le duper un peu. Elle parce danse. Qu'en fait, elle ne danse pas. Elle fait semblant de mourir. Petite. Adrien Méniel. Tu viens de donner la bonne réponse. Ah, okay. Elle fait tout simplement semblant de mourir. Les amis se sont penchés sur des spécimens. Donc de l'espèce. Donc là, tu fais, bah ça, c'est bon. C'est bon. Elle est dead. Non, mais c'est après l'acte, non ? Non, c'est avant. Oh. C'est-à-dire, oui. Elle est morte. Elle mise. Ah oui, d'accord. C'est un peu dark là. Bah, l'araignée peut être très dark. Hein. Bah, la preuve est dans le film. Alors, il y a pas cette scène. Y a pas... Personne. Ne... C'est mais, coupé. Mais les araignées regardent Twilight et oui, écoutent The Cure. Bien sûr, évidemment. Une façon de convaincre. En fait, en gros, elles font les dead et comme ça, le mâle se dit bon bah là, je peux y aller sans danger normalement. Ah, je suis tranquille. Pour la Ken, encore une fois. Oui, pour la Ken. Elle est morte, donc c'est bon, je peux y aller. Nécrophile. Nécrophile, ouais. Mais araignée, un peu conne. Ça m'étonne, parce que les animaux, leur but, c'est de se reproduire. Donc si elle est morte. Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas après. Il y va pour le plaisir. Et ça, c'est scientifiquement intéressant, du coup. Alors je pense que c'est pas vraiment morte, mais plutôt sur le point de mourir. Ouais, parce qu'en fait, elle. Non, du coup, c'est top. Du coup, c'est mon glauque. C'est mon glauque, elle est en train de crever. Vas-y, pardon. C'est pas juste elles font je suis morte. C'est quand même elles arrivent quand même à ralentir leur rythme cardiaque. Wow. Pendant plusieurs minutes et c'est utilisé voilà par de nombreuses espèces animales pour échapper à un prédateur. Bah elles le font. Ça s'appelle la catalepsie sexuelle. Du coup le mâle est en confiance donc il y va et après il copule et miam miam miam il se fait manger. Ils ont découvert il y a pas longtemps qu'il y avait des animaux qui faisaient ça, des femelles qui se font passer pour mortes ou endormies, ouais. Endormies je crois, pour ne pas se reproduire. Ah, pour l'inverse. Parce qu'elles ont la flemme. C'est ce que fait ma femme. Petit verre de pastis. On est sponsorisé par. Mais c'est fou que les femelles les animaux aussi. Bah ouais, ah, cool. Ouais non mais voilà. Mais on embrasse en tout cas les Aterigena aculueta. On va passer aux recommandations culturelles. Donc évidemment Vermine, film d'horreur, pas que horrifique. Je tiens à le dire parce que je vois beaucoup de commentaires. Alors déjà raciste et ça c'est atroce. Ouais, c'est insupportable. Ah putain, film actu. Va falloir. Moi j'ai découvert la haine et la violence vraiment sur internet. C'est effrayant. En France c'est vraiment un petit tri film actu. Voilà, on fait le ménage. Il y a des commentaires. Faut vraiment que ça dégage. Voilà. Mais je vois aussi beaucoup de gens de dire oh là moi je suis arachnophobe, je peux pas y aller. Et c'est pas que je veux absolument que les gens aillent voir ce film, bien sûr que si, mais c'est pas que ça. C'est un film vraiment, c'est pas horriblement insurmontable quoi. Déjà c'est pas très violent. Il y a plein d'arachnophobes qui l'ont vu en avant. Ils en sortent contents quoi. Et en plus c'est le principe du film d'horreur de se confronter à sa peur et de la contrôler. C'est un peu comme ça qu'on a. La première question qu'on te pose quand tu développes ce film, c'est mais qu'est-ce que tu fais des 8% des Français qui vont te dire je peux pas aller le voir. Mais justement moi je trouve ça trop cool l'effet de d'où un film me dit je peux pas aller le voir. Ouais. Et en fait ouais non, en avant-première il y a toujours le présentateur qui demande combien de personnes sont arachnophobes. On en a quand même au moins une bonne quinzaine, dizaine qui lève la main et qui sortent très contentes du film parce que bon ils ont frissonné ils Roman. Ont quand même kiffé. Ouais, Roman frissonné, ouais, bien sûr. Mais c'est pas intenable, voilà, c'est un film où il y a aussi de la comédie, voilà, il y a de l'action, voilà, toi si qui l'as vu, Adrien. Non, mais bah oui, si je peux me permettre, c'est que moi j'aime pas les films d'horreur. Et pas parce que ça me fait peur, mais parce que plus je m'en bats les couilles, plus. Et j'ai vraiment adoré Vermine, quoi. Donc, non, mais c'est un vrai argument, quoi, parce que c'est pas juste un film d'horreur, c'est un très bon film, quoi. C'est un super divertissement. Mais moi, je suis pas un immense fan de films d'horreur non plus, en fait. Ouais, en fait, je trouve ça toujours. Je trouve ça très vite, genre, oui, il y a un esprit dans la maison. Je trouve ça. J'ai Bécadom d'homme, en fait, tout le temps. Et là, justement, c'est très. C'est très ancré dans un réalisme, ça joue de ouf, enfin tout est trop bien en fait à tous les niveaux et c'est vraiment un super film quoi. Même moi qui, tu vois, j'aime pas les films d'horreur, c'est pas un film d'horreur justement, c'est pas un film d'horreur justement, en tout cas c'est pas que ça quoi, c'est un vrai bon film qui en plus voilà fait peur, il y a de l'action, tout. Je pense que t'auras encore plus aimé sur le grand écran. Non, mais il y a un vrai. Et en plus, il y a un propos. Enfin, c'est vraiment. C'est un super film. Et qu'on a un propos qui se veut pas non plus handicapant sur le kiff, quoi. C'est un non, film pas du tout. Vivant c'est en filigrane. Et en dessous, voilà, exactement. C'est en toile d'araignée, quoi. Oh, c'est toile d'araignée ça... Non, mais c'est vrai qu'on parlait rarement de films d'horreur en écriture, mais plutôt films de monstres. On parlait. On parle évidemment pas la qualité, mais de Dents de la Mer. Ou de... Ouais. Souvent, les films de monstres, voilà, c'est. On parle de xénophobie et des personnages, ouais. Exactement. Et de survival, en final. Ils sont pour moi plus des rêves que le film d'horreur, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Et ben voilà. Les recommandations culturelles. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose? Ça peut être du cinéma, ça peut être du théâtre. Mon téléphone est au bout du monde. Va courir. Non, c'est bon, je m'en souviens. Ça peut être de la musique, ça peut être un bouquin, ça peut être voilà, tout est possible. Sébastien, du coup. Eh ben non, moi il y a une. Non. Non, c'est bon, je m'en rappelle, Sébastien. Non. un roman graphique de alors Jens Harder ou Jens Harder parce qu'il est allemand, je pense. Qui s'appelle, du coup, on a eu Alpha, on a eu Beta qui est en deux parties, qui est un immense roman graphique qui traite tout depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme, et donc Beta qui traite des débuts des civilisations et tout, qui s'arrête à l'ère moderne. C'est incroyablement dessiné, c'est une immense fresque graphique avec très très très très très peu de textes qui sont là de temps en temps pour décrire ce qui s'est passé à tel moment. Et donc ça se lit, ça se regarde en fait, c'est magnifique, c'est vraiment des planches qui peuvent être dans des musées quoi. Et donc ça raconte l'histoire quoi en fait. L'histoire du temps, de l'apparition de la Terre jusqu'aux premiers hommes et puis donc du coup Beta, l'apparition de des civilisations et on attend Gamma qui traite de ce que possiblement pourrait devenir l'humanité et la Terre. Ouais. Donc qui est plus de la projection. Et donc là il y a du dialogue. Et non même pas. Ah, c'est toujours du texte en bas et ça se base sur des tout est scientifiquement comment dire pas prouvé mais tout a été baqué, quoi. Ils ont bossé quoi. Voilà et, ouais. c'est costaud, c'est des gros pavés. Non, sinon une petite chaîne YouTube petite, après j'ai pas regardé son nombre de followers mais j'aime beaucoup Guillaume Cassard qui fait des vidéos sur je t'en avais parlé à Biarritz. Ouais. Et il fait des vidéos sur les films, les séries et raconte comment le projet est né, du scénario jusqu'à la recherche des producteurs, le tournage, tout ce qui s'est passé après le tournage, comment le film a été réceptionné, ce que deviennent les réalisateurs depuis. Enfin, c'est très très complet, très cool, bien présenté. J'aime beaucoup cette chaîne. Trop et bien. Des fois, il fait des énormes nanars et c'est assez marrant. Ok. Ouais, très il bien. S'intéresse à des films vraiment vraiment nuls que personne n'a vu et c'est cool aussi. Sublime, parfait. Sophia? Ouais, j'ai vu un film d'animation qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Mon ami robot, mais je crois que c'est Robot Dreams en anglais. Qui sort le jour de Vermine. Non. si, le 27 décembre, allez le voir. Eh bah, j'irai le voir. Non, pour de vrai, ça sort le 27. Oui. Non, bon bref. Franchement, ça m'a vraiment marqué. Alors, je suis très nulle pour pitcher, mais c'est un chien qui vit dans une grande ville, c'est muet, hein, qui se sent très très très très seul et qui du coup décide d'acheter un robot, de le construire pour en faire un camarade. Possible. C'est ok pour moi hein, déjà. tu vas adorer, je pense. Non, mais bitch, vrai... moi, il y a un chien et un robot, c'est bon. Hein. Ah oui, voilà. Mais en vrai, il décide d'adopter ce robot et tout, d'en faire un compagnon de vie et tout. Et en fait, ils deviennent meilleurs amis, voire plus que meilleurs amis, c'est pas vraiment précisé. Ça parle d'amour. Mais on l'a vu à CGS, c'est pour ça. On l'a vu à CGS en festival. Et en vrai, pour moi, ils vivent le parfait grand amour jusqu'au jour où en fait, il va aller se baigner avec ce robot. Le robot va rouiller, il pourra pas le ramener. Le robot est trop lourd. Ouais. La plage ferme. Attends, t'inquiète, c'est normal. C'est le pitch. Et en fait, la plage. Écoute. À la fin, le robot est mort. Il y a le tsunami. Il y a un tsunami. Et c'est écrit fin. Il y a fin. Ça qui défile et le nom et des en gens. Fait le robot est trop lourd, la plage ferme, il doit repasser dans un an et en fait le film se passe sur leurs deux vies en parallèle. Comment est-ce que du coup t'avances sans l'être aimé, est-ce que tu continues ta vie, est-ce que t'évolues, est-ce que et lui qui reste figé là dans son écoute moi franchement au début j'ai le film commence et tout, film d'animation muet, un chien, un robot, je trouve ça cute et tout, j'ai fini en chialant en disant mais c'est trop beau, mais c'est trop triste, mais la vie c'est trop beau, c'est rideau pour Méniel. Non, je vais le voir, mais bon. Solo, franchement, je te jure, Adrien, dans c'est son trop coin, bon. Ça parle avec sa petite gourde. Et c'est vraiment genre le genre de film où c'est rare, mais je suis 2 mois plus tard dans ma douche et j'y repense. Tu vois, j'ai un petit truc au bide. Ça parle de deux façons de continuer son existence après. Mais attention, Est-ce qu'il se retrouve? Est-ce qu'il se retrouve pas? On sait pas. Ça, voilà. Sait, moi je sais, je l'ai vu. Bah oui. Mais franchement, ça m'a fait chialer. Mais attention. Une merde à côté de Vermine. Faut d'abord aller voir Vermine le 27. Évidemment. En vrai, faut voir les deux comme ça. Moi, j'ai vu Vermine, donc c'est bon. Vous, allez voir Vermine. Vraiment, ça vaut le coup. Robot Dream, c'est trop beau. Très, très bien. Et super. Ah, si, je voulais juste aussi un petit compte Instagram que j'adore qui pop comme ça. Je suis abonnée. Du coup, ces vidéos pop dans mon feed. C'est Faune Cool. Donc, faune comme la faune et la flore. Faune Cool en un mot. Et ce mec, il fait des vidéos qui sont trop bien, c'est court. Et en fait, il dit plein d'espèces de crabes que j'adore et il te montre plein de crabes. Ah, j'ai vu. Et j'ai, mais sur c'est des grenouilles, j'ai vu, je crois. Oui, oui. Ah, et c'est trop bien. Et est-ce que t'as vu, du coup, les, il t'explique un peu, bah, par exemple, il explique qu'il y a une espèce de grenouille qui, voilà, dans sa chaîne évolutive, je sais pas, elle s'est séparée. À atterrir, voilà, ah, elle s'est séparée. Celle qui rebondit pas, voilà. Elle faisait partie de la famille des grenouilles, machin, de toutes les grenouilles quand elles ont appris à sauter, mais elle s'est séparée du groupe quand les autres ont appris à atterrir. Donc en fait. La vie il te montre la passer, vidéo quoi. Et tout. Ouais, vraiment. Oh. Quand elle saute, elle atterrit. Inch'Allah, je tombe bien, tu vois. Elle arrive en faisant un plat, quoi. Ouais, vraiment. Elle fait un plat sur le sol. Parce comme qu'elle ça. Avait appris à bien atterrir. C'est comme si toi, tu savais sauter, mais après, tu gardes tes jambes bien raides. Exactement. Exactement. Et du coup, tu vois, c'est un mec qui les montre plein rotules. D'espèces comme ça, de plantes ou d'animaux qui sont trop cool, quoi. Trop bien, bah écoute. Hier. Bah voilà. Abonnez-vous, vraiment, c'est trop bien. Je vais m'abonner. J'ai vu la vidéo. Ça sort le 27 décembre. Abonnez-vous à ça plutôt qu'à nos comptes, vraiment, c'est beaucoup mieux. Jérôme Niel. Moi, j'ai regardé aussi un peu en avance les Sekpaoski. Qui sort le 27 décembre. Foncez. C'est cool qu'on n'ait pas l'attaché de presse avec nous sur cette promo. Elle aurait pu nous donner un petit coup de main. Non, moi je dirais un podcast de. Mais vous avez peut-être déjà parlé de Sophie Marie Larouille, ouais, à la oui, recherche super. Du ton à la catalane. Ouais, elle est trop cool cette meuf. Et donc qui a lancé son podcast très récemment, ou qui est un podcast complètement indescriptible, ouais. Quasiment comment on dit méditatif, un peu ASMR dans l'univers du supermarché. Ouais. Et j'ai été invité sur un qui est sorti là récemment, mais au-delà de ça, j'avais commencé à écouter avant, et je me souviens, je m'étais dit vas-y, je vais voir à quoi ça ressemble, et j'étais en pleine séance de muscu. Et genre, je me suis complètement arrêté, ça m'a complètement atrophié. Ça m'a complètement détendu tous les muscles où j'arrivais plus à me concentrer tellement c'était. Ouais. Genre, et donc c'est une sorte de mélange très très. Mais c'est très étrange. Non, c'est pas ASMR, mais vraiment, elle fait des petits plus. Bruits. Ouais. Elle a une voix, ouais, elle a une voix particulière. Ouais, et vraiment, je trouve ça assez complètement hybride et je peux pas trop vous le décrire plus que ça. Ça peut être une sorte de méditation guidée, mais sur le thème du supermarché. Ouais, ouais, voilà. Donc, mais comme souvent avec Sophie Marie, c'est faut le ouais. vivre ou l'écouter. Ouais, c'est dur ça. À décrire. Donc je vous conseille ça, c'est très très bien. Ça s'appelle À la recherche du ton à la catalane. Exactement. Voilà. Très bien. Voilà. Adrien Meyer. Oui, alors moi c'est une chaîne YouTube qui est très connue, mais quand j'en parle à des gens, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas. Mais ça mange pas de pain, hein, c'est pas un canard. Ça fait des millions de vues et tout. Une chaîne YouTube qui s'appelle Jubilee, je sais pas si vous connaissez. Je connais pas. J-U-B-I-L-E-E, qui a plusieurs concepts qui ont d'ailleurs été largement repris par beaucoup de YouTubeurs français. Notamment Squeezie, les imposteurs, il a dit que c'était inspiré de Jubilee. Ah. Joyka a repris aussi un de leurs concepts et tout. J-U-B-I-L-E-E. C'est ça. Et en fait, ils ont plusieurs concepts comme ça. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle Spectrum. Ok. En fait, le principe, c'est ils prennent dans chaque épisode 5 personnes qui sont de la même communauté. Donc, ça peut être des personnes trans, ça peut être des personnes noires, des femmes, des hommes, etc. Mais ils sont tous issus de la même communauté. Ils sont dans une pièce et sur la pièce, il y a 4 lignes qui sont équidistance. Il y en a une, c'est je suis plutôt d'accord. Non, en fait, il y en a 6. Je suis plutôt d'accord. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et de l'autre côté, il y a je suis plutôt pas d'accord, je suis d'accord ou je suis complètement pas d'accord. Je crois que je me suis embrouillé dans les. Non, c'est bien, c'est clair. Et en gros, à chaque fois, la vidéo commence, ils sont tous au milieu et ils disent une affirmation. Et les gens, ils vont se placer sur la ligne selon, tu vois, s'ils sont d'accord ou pas avec le propos, quoi. Et donc, du coup, les gens se placent jamais tous au même endroit. Enfin, ça arrive, mais voilà. Et après, les gens discutent entre eux pourquoi ils sont placés là, de façon cordiale et tout, tu vois. Et, oui, c'est pas. Et du coup, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que on entend souvent sur Internet, faut donner la parole aux concernés, tout ça. Généralement, les gens qui disent ça pour dire, il y a une personne concernée qui est d'accord avec moi, donc écoute cette personne-là et personne d'autre parce que je veux avoir raison. Okay. Et en fait. Moi, je trouve que ce truc de donner la parole aux concernés, c'est une évidence qu'il faut le faire, mais je trouve qu'il y a un truc un peu dans la façon dont c'est amené, qui est presque un peu réducteur, en fait, parce qu'il y a un côté, évidemment, que les gens qui sont concernés, c'est pas un bloc monolithique qui pensent tous pareil, quoi. Oui. Et justement, là, c'est là où c'est très intéressant, c'est que tu vois des gens qui sont issus de la même communauté, mais qui ont sur des sujets qui les concernent directement, ils sont pas tous du même avis et ils en parlent et tu vois à quel niveau ça se rejoint et tout. Et c'est trop bien, quoi, parce qu'il y a un côté, et justement, moi qui, je suis pas concerné par 99% des sujets, c'est hyper intéressant de regarder ça, et ça te permet de comprendre et de voir vraiment ce que les gens pensent et tout. Ça s'appelle comment déjà, t'as dit ? La chaîne, c'est Jubilee, J-U-B-I-L-E-E, et le format en question, c'est Spectrum. Et c'est hyper intéressant parce que, du coup, t'apprends des choses, et c'est intéressant aussi de voir à quel point t'as une personne qui va se mettre sur la ligne complètement d'accord sur un sujet, donc tu fais ah ok, donc lui c'est vraiment le vieux gars et tout. Puis la question d'après il va te surprendre en fait, et tu dis bah oui en fait les gens on est tous très complexes en fait, et en fait c'est vachement ça te libère un peu du côté très réducteur parfois qu'on a du portrait qu'on dresse des gens des communautés sur internet. Des communautés, mais même des gens en particulier, quoi, tu veux dire. Si un gars sur tel sujet il va penser ça, ah bah du coup c'est un vieux gars sur tous les autres sujets, et en fait non, en fait tout le monde est très, on a tous des personnalités complexes et tout, et les commentaires sont bienveillants. J'ai pas regardé les commentaires. Ça sort en France, à mon avis, non. Il y a par exemple la chaîne Insta Histoire Crépu qui a repris ce truc de Spectrum. Et déjà, j'avais vu ça avant de voir Jubilee. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Ils prenaient des personnes racisées et ils posaient des questions et tout. Et les discussions étaient hyper intéressantes parce que les gens n'étaient pas d'accord entre eux et tout. Et voilà, il y a d'autres formats qui ont aussi été repris par d'autres chaînes YouTube. Ils se sont fait vraiment piller toutes leurs idées. Mais non, c'est vachement intéressant. Trop bien. Et ben, allez voir Jubilee. Merci beaucoup d'être venu pour parler de Vermine qui sort le 27 décembre. Alors, il n'y a pas que vous, on peut dire tout le reste du casting. Sébastien, vas-y. Merci. Il y a Finnegan Oldfield et Théo Christine qui ne sont pas là. Lisa Gnarco qui n'est pas là. Enfin, ils sont tous pas là en l'occurrence. Alors, voilà, c'est pas la peine de préciser. ils sont là, juste on leur a pas donné la parole. Toutes les araignées sont là par contre, c'est d'ailleurs hyper oppressant. Et il y a beaucoup d'araignées dans ce film-là. Voilà, non, c'est un film avant tout de bande, avec un groupe qui va devoir survivre dans ce bâtiment. Et allez-y en bande, allez vous marrer, allez profiter, quoi. Je vais rajouter un truc, très très bonne BO. Notamment Benjamin Epps, ça m'a fait très plaisir au début. Ça m'a rappelé d'ailleurs qu'on écoutait Benjamin Epps dans Camtar à Biarritz. Ouais, on a essayé d'aller chercher des tracks rap indé, parce que moi c'est ce que j'écoute le plus. Et puis voilà, c'est un film français, entre guillemets, urbain, catalogué urbain. Ouais. Et du coup, j'ai voulu faire ce qui se fait de mieux dans l'indé français. Et je pense que la BO. La pop urbaine, quoi. Que vous écoutez sur Move, au final. La BO de Move. Kinvé à la fin, très très lourd. Un morceau original. Non, oui, Kinvé qui rappe le plot du film, comme dans Beurre Bleu. Son morceau Get l'araignée. Get l'araignée, elle va te manger. Il est maintenant le HLM. Voilà, et sinon, Jérôme, spectacle, on a dit, encore quelques dates au Trianon. Au Trianon, du 3 au 6 janvier. Voilà, et puis on va te voir dans plein de projets, peut-être un film le 10 avril, bref, on en reparlera. Oh là là. Voilà. Un film qui serait d'ailleurs peut-être. Ah oui, sélectionné à l'Alpe d'Huez. Félicitations. On a appris ça récemment, effectivement. On parle du film Nous les Leroux. Nous les Leroux. On fait des sous-entendus. Et non pas Nous les Ledoux. Les Loulous. Nous les Loulous. On a fait un festival avec Seb. Et il y a un gars qui avait, je pense, pas du tout prévu de m'inviter à la table ronde. En tout cas, pas pour parler d'autre chose que Vermine. C'est étonnant parce que généralement les auteurs sont bien mis en avant. Non, mais je crois que à sa défense, il avait vu quelqu'un qui s'appelait genre Pierre Ledoux une seconde avant ou un truc comme ça. Et donc il fait. Et donc Florent avait fait le film Nous les Ledoux. Et là, t'as un petit peu douté de ton titre. Ouais, je t'ai dit, Les Ledoux. Pas mal. Ça, on peut synchro, ça peut s'enlever. Ouais. Un peu de VFX pour la boîte aux lettres. C'est ce que j'allais dire exactement. Sophia, oui, j'ai Vermine, j'ai une série OCS aussi. Trop bien, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Homejacking, réalisée par Hervé Admars, pour OCS. Et qui est sortie ou qui va sortir ? Elle va sortir. Okay, elle super. Va sortir. J'ai un film aussi de Jérémy Clapin qui va sortir, où je joue avec Megan Northam, qui est incroyable. Ok, génial. Bon, trop bien. On sait plutôt quel genre de film ? Alors, comment je peux décrire ça? Non, mais c'est plutôt un drame, comédie, comédie musicale. C'est un peu fantastique, dramatique. Ah oui. Encore, ok, d'accord. Et c'est, visuellement, ça envoie, c'est très très beau. Trop bien. Esthétiquement, c'est très beau. Trop bien. Bon, écoutez les épisodes précédents, je l'ai dit. Très bien. La bonne auberge. Oh, et... La bonne auberge. Je fais pas de reco, je fais pas de. J'ai découvert La Bonne Auberge, hein. Je ne connaissais pas, c'est Sébastien qui m'a montré et c'est incroyable. Ah, bah, je fais découvrir ma sœur aussi, j'adore. Bah, trop bien. C'est trop bien. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite qu'on fait un one shot, je sais pas s'il y a encore des. Ah bah non, ce sera passé ou pas. Oh putain, en live. En live, tu m'invites. Bah franchement c'est oui je... ouais faut que je sois à jour je me suis découvert parce que c'est un one shot drôle. Ah c'est un one shot dans le genre de cyberpunk le jeu de c'est le ça. Jeu ah, de ouais, cyberpunk ouais, ouais, ouais, ouais. Non ça t'intéresse pas ah si de ouf bien sûr que si je suis très chaud. Si si on en a fait et d'ailleurs là on a comme on a fait un financement participatif on a débloqué suffisamment pour faire le dernier épisode de la saison en public, donc on le fera. Mais là, dans l'immédiat, je meuble un peu parce que j'essaie de retrouver le tac, le montage, il va couper. T'inquiète. On peut dire des conneries là. Tu vas non, dis pas de conneries, on sait jamais. Bon, désolé, je retrouve plus. Attends, si. Je vais retrouver dans mon. Retrouver dans mon calendrier. Attends, je peux meubler. Ah, bah, ce sera passé. Donc, ça, c'est aucun intérêt que j'en parle. Ça sera passé. Ciao tout le monde. Regardez en tout cas La Bonne Auberge, c'est deux fois par mois le dimanche sur Twitch, La Bonne Auberge JDR. Voilà, voilà. C'est du jeu de rôle en live sur bien. Twitch. Et voilà. Et voilà. Et quant à moi, on joue à Donjons et Dragons là. Bien sûr. D'habitude. Là, on fera un one shot particulier. Et quant à moi, effectivement, donc Vermine, voilà. Vermine voilà. Que j'ai coécrit. Qui sort en face voilà. De les robots chiens. L'attaque des robots chiens et les Segpa. Les Segpa font du ski. À la mer. Et 1 million, hein, quand même, hein, c'est leur objectif. Donc n'hésitez pas à soutenir. Ils ont besoin de force. Ça va être chaud. Nous les Leroy, 10 avril aussi. Et non, et puis moi, j'ai une vidéo que j'ai enfin, il y a le roast 2 de McFly Kaito qui sort là, la fin de la semaine, je crois. Ouais. Que pareil, où j'ai écrit des saloperies sur des gens que je connais moins, donc c'est encore plus horrible. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore des TikTok qui vont dire oh c'est trop méchant d'avoir dit ça. Bande d'idiots, c'est le principe. Je déteste le principe du roast. Ah ouais, ben non, mais il y a des gens que ça. Non mais au moins. Non mais c'est là, c'est des gens qui comprennent pas le principe. Non, c'est même pire. C'est mais des elle commente les vidéos et tout de manière très agressive. Non, c'est même des gens. Il y en a un avec Jenny, le télé, pour ne pas la citer, qui ont mis un extrait et ils ont rajouté de la musique triste et un noir et blanc. Ouais. Du coup, forcément, bah, c'est juste horrible. Quoi. Ça, c'est le monteur qui coupe un peu les rires. Avec les larmes qui coulent de ses yeux en mon film ne s'est pas fait. Et il y a du piano derrière, je fais oui, bah là, si c'est que ça, effectivement, c'est catastrophique. Donc, oui, non, mais je comprends qu'on aime pas. Mais c'est comme, pour moi, c'est comme regarder du MMA, tu vois. Il y a des gens qui exactement. Disent, mais pourquoi regarder ça? C'est violent, c'est dégueulasse, ça n'a non, aucun intérêt. Et c'est un peu pareil, mais avec des blagues. Mais donc, je comprends que des gens n'aiment pas du tout. Bon, merci tout le monde. Merci beaucoup. En salle le 27 beaucoup. Décembre. Au revoir tout le monde, ciao. Au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.